introduction à votre conférence, Monsieur Audet, je vais rappeler quelques éléments de votre parcours professionnel. Vous êtes instituteur de formation initiale, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSID, à la Sorbonne. Vos travaux sont consacrés à l'étude du développement et du fonctionnement cognitif du jeune enfant à l'adulte. Vous étudiez avec votre équipe les domaines de la catégorisation, du nombre, du raisonnement et de la prise de décision, le rôle du langage, de l'action, de l'émotion et des référentiels visio-spatiaux. Vous êtes un des pionniers de la formalisation de la neuropédagogie en France, on peut dire comme ça. Et vous êtes l'auteur de plus de 300 publications et communications scientifiques et d'une vingtaine d'ouvrages. Je ne vais pas citer la vingtaine d'ouvrages, mais en tout cas les plus récents. Donc vous avez publié en 2014 le livre « Le raisonnement », celui-ci, dans lequel vous invitez le lecteur à comprendre comment l'être humain raisonne dès le plus jeune âge et quel rôle joue la pédagogie et les émotions dans ce processus. Toujours en 2014, vous avez publié « Apprendre à résister ». Dans ce livre, vous développez la capacité de notre cerveau à inhiber les automatismes de pensée pour nous permettre de réfléchir. « La psychologie de l'enfant », réédité en 2015, dans lequel vous développez comment les nouvelles découvertes sur le développement du cerveau et de l'intelligence ont modifié en profondeur nos connaissances sur la psychologie de l'enfant. On dit que vous revisitez la théorie piagétienne à la lumière des neurosciences. Et enfin, le petit dernier, celui-ci, je vais me permettre, l'histoire de la psychologie, donc édité en janvier 2016, où vous exposez l'histoire de la psychologie intimement liée à celle de la philosophie et de la biologie. Je vais faire un petit focus sur celui-ci, apprendre à résister. Et pour le coup, moi, je ne vais pas résister à l'envie de lire l'introduction, parce que je l'aime bien, en tout cas les cinq premières lignes. J'aime bien cet avant-propos. Rien n'est plus amusant que d'observer un enfant qui s'interroge. Dans cet instant cognitif, on a l'impression qu'il découvre tout à la fois le monde et les potentialités de son cerveau. Il est alors gourmand de culture et d'intersubjectivité. Il apprend. Point d'exclamation. En lisant cette introduction, m'est venue l'idée de transformer la première ligne, avec votre permission. Rien n'est plus amusant que d'observer un psychologue qui observe un enfant qui s'interroge. Pourquoi ? Parce qu'observer un scientifique qui s'intéresse à l'enfant qui s'interroge en développant des protocoles de recherche, c'est offrir aux acteurs de l'enseignement que nous sommes un éclairage sur les processus cognitifs impliqués dans l'acte d'apprendre. Et par voie de conséquence, cela nous invite à repenser l'apprentissage pour le rendre plus efficace et d'identifier de nouvelles attitudes professionnelles vers des démarches diversifiées. Dans notre centre de formation pédagogique, nous proposons des formations, que ce soit en formation initiale avec nos étudiants de Master MEF, mais aussi en formation continue. Donc nous proposons des formations sur la différenciation pédagogique, sur les intelligences multiples, sur la façon dont on peut optimiser la mémorisation chez les élèves, sur le rôle de la catégorisation. 2 jours l'an prochain seront dédiés à ça, et tant d'autres thématiques. Mais il reste toujours un sujet délicat à aborder, c'est justement celui de l'erreur cognitive. On peut penser que c'est parce qu'elle met en jeu une approche métacognitive. Elle peut être efficiente que si les enseignants sont formés sur le développement cognitif de leurs élèves, mais aussi sur le rôle des fonctions de contrôle au cours d'une activité. On peut aussi penser que cet accompagnement de l'élève au cours de l'analyse de ses erreurs ou de son activité ne prend sens que s'il connaît lui-même le fonctionnement de son cerveau pour mieux apprendre. Et tout ça, ça ne va pas de soi. C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui d'un éclairage scientifique, de votre éclairage scientifique, monsieur, sur la place et le statut de l'erreur. Vous le dites régulièrement, les erreurs sont aussi importantes que les réussites car c'est de leur logique que se déduisent les facteurs de progrès. Je vous laisse donc la parole pour nous expliquer comment vous vous êtes amusé à observer de façon très rigoureuse la façon dont un enfant réfléchit, la façon dont un enfant raisonne, et ce qui se passe psychologiquement avant sa bonne réponse ou avant son erreur. Merci. Merci beaucoup. Entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de cet accueil dans les Hauts-de-France, en effet, particulièrement à Arras. Donc, c'est une conférence qui avait été sollicitée, organisée de très longue date. Et ma secrétaire, mon assistante Claire Pruvot, y a en effet beaucoup contribué. Tant les demandes actuellement, et je pense que c'est plutôt un bon signe, sont grandes, intenses, du monde de l'éducation, que ce soit l'école catholique ou publique, du monde de l'éducation vers les psychologues, scientifiques et l'exploration toute récente dans l'histoire de la psychologie du cerveau humain qui apprend. Alors vous avez choisi, et je pense que c'est très pertinent, l'entrée particulière de l'erreur, du statut de l'erreur, et je la développerai cette idée d'erreur en la déclinant par l'organisation, l'architecture du cerveau que l'on peut estimer aujourd'hui par trois systèmes cognitifs. Et surtout, à travers ces systèmes cognitifs, la capacité d'inhiber ou résister à un système quelquefois automatique ou trop rapide lorsqu'il faut plutôt un raisonnement de l'intériorité, de la réflexion. D'où le titre, donc le statut de l'erreur, trois systèmes cognitifs, inhiber pour résister. Ce que l'on va voir dans les multiples exemples qui iront, pour tous les niveaux qui vous intéressent, du bébé à l'enfant maternel jusque aux adolescents de terminale qui doivent faire du raisonnement logico-mathématique, voire aux adultes, vous et moi, qui avons aussi un cerveau avec un triple système, des heuristiques, des algorithmes et un système inhibiteur. Donc cette architecture cognitive que je vais commencer à décrire un peu, vous allez voir qu'on la retrouvera des erreurs motrices du bébé, dont la célèbre erreur à l'embé qu'avait découverte Piaget, jusqu'aux erreurs de raisonnement, de jugement logique et mathématique des adultes, avec évidemment toute l'histoire et la collection d'erreurs cognitives qui jalonnent l'ontogenèse de la naissance à l'âge adulte. Ces trois systèmes cognitifs qui correspondent à la théorie que j'ai pu développer depuis une vingtaine d'années avec tous mes collaborateurs se décrivent en termes d'un premier système qui est donc heuristique, qui comme vous le voyez sur ce descriptif correspond à une pensée automatique, intuitive, qui est très rapide. Donc on utilise très souvent ce système, le plus souvent. Et dans le monde contemporain, très technologique, où il faut répondre rapidement, prendre des décisions multiples, notamment via numérique et via aussi la pression sociale, ce système heuristique est le plus utilisé par tous les cerveaux, qu'il s'agisse de celui des enfants ou des adultes. J'insiste sur ce point parce que Piaget considérait bien qu'il y avait un système heuristique des intuitions, par exemple, ce qu'il appelait le stade préopératoire, correspondant au niveau maternel. Il disait l'enfant est prisonnier de ses intuitions perceptives, spatiales. L'enfant ne parvient pas à être logique, algorithmique. Mais pour Piaget, c'était un stade précurseur archaïque de l'enfance qui ensuite disparaissait. Or, ce système heuristique n'est pas un stade, il s'agit de stratégies toujours présentes dans le cerveau de l'enfant plus grand, de l'adolescent et de l'adulte, parce que ces stratégies sont efficaces. Et c'est pour avoir montré cela, c'est-à-dire le fait que notre cerveau fonctionne plus souvent sur un mode heuristique que sur un mode logique ou algorithmique, que Daniel Kahneman, dont vous avez ici la photo, a reçu, au début des années 2000, c'est un psychologue, a reçu le prix Nobel d'économie, parce qu'il a montré que les humains adultes, et en particulier pour des sujets aussi importants que la prise de décision économique, on se dit là, on a quand même, on est sérieux, on prend le temps de réfléchir, il y a des enjeux grands, eh bien on ne l'est pas, on fonctionne le plus souvent de façon heuristique, intuitive, qui court-circuite les statistiques, la logique, la rationalité. Ce qui fait dire aussi à des sociologues contemporains comme Gérald Bronner que nous vivons certes en démocratie, mais c'est une démocratie des crédules. C'est-à-dire que la démocratie ne garantit pas la logique, ne garantit pas le raisonnement algorithmique des cerveaux qui décident ou qui discutent ou qui argumentent. On peut être dans un système démocratique, mais fonctionner avec des rumeurs, des heuristiques, des automatismes de pensée. Donc c'est une vraie question qui concerne tant l'adulte que l'enfant. Le deuxième système, algorithmique, est lui la pensée logique, réfléchie. En général, c'est quand même le cœur des programmes scolaires, toutes les règles que l'on doit apprendre. Il peut s'agir d'algorithmes d'orthographe, si on est dans la langue, d'algorithmes de catégorisation, d'algorithmes numériques, si on est en mathématiques. Et donc, c'est tout ce qui est la pensée plus lente, réfléchie, qui, elle, est analytique, alors que l'heuristique est plutôt globale et rapide. Donc, l'algorithme est analytique. Et pour bien comprendre la distinction entre ces deux systèmes, je vais vous donner deux définitions contrastées. L'heuristique, c'est une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et ce sont les cas de « mais pas toujours », entre guillemets, qui vont correspondre à tous les exemples que je vais vous donner par la suite, les erreurs. Quand l'heuristique crée l'erreur. L'algorithme, à l'inverse, est une stratégie plus lente, plus analytique, qui, elle, va nécessiter un effort cognitif, alors que l'heuristique ne nécessite pas d'effort cognitif. L'algorithme nécessite un effort cognitif, et lui va conduire de façon certaine, toujours, au bon résultat. Parce qu'on prend le temps d'analyser, de décortiquer, et de suivre un algorithme que l'on a découvert, que l'on a appris. Le problème de l'usage de l'un ou l'autre système, c'est la vitesse. Le cœur de tout ce tour. De tout ce dont on va discuter, c'est la vitesse de pensée humaine. Et comme on a toujours tendance, nous enseignants, ou dans le monde du travail, à solliciter rapidement les réponses, l'adaptation, le système heuristique est le plus fréquent, même si notre cerveau aurait la potentialité de l'inhiber, c'est le troisième système, qui résistait, d'où le titre en effet de mon livre « Apprendre à résister », c'est ça que ça veut dire, apprendre à résister quand c'est utile, au système heuristique, pour activer le système algorithmique. Et pourquoi ce troisième système que j'ai appelé l'inhibition au sens positif du terme, c'est ça la découverte, c'est qu'ici l'inhibition est positive, pourquoi système est-il essentiel? Parce que c'est lui qui va permettre d'interrompre le système 1 pour activer le système 2. Et cette interruption, c'est en fait une inhibition sous-tendue par le cortex préfrontal, qui est un très grand territoire à l'avant de notre cerveau et qui a plusieurs fonctions, mais sa fonction principale, c'est cela. C'est inhiber les automatismes. Prendre le temps de sortir de l'automatisme pour réfléchir, pour faire de l'abstraction. Et donc, pour les spécialistes du cerveau aujourd'hui, vous allez voir qu'on a confirmé en faisant de l'imagerie cérébrale avec les enfants des écoles, ce territoire cérébral est énorme. Or, on tient peu compte à l'école de sa fonction. Et surtout, vous allez voir, de sa fragilité. Ce qu'il y a sans doute de plus difficile dans le cerveau humain, c'est d'inhiber ses automatismes, c'est-à-dire de résister à lui-même. Surtout si cet automatisme, et vous le verrez, certains d'entre eux sont renforcés par l'école, appris à l'école, liés à d'autres apprentissages, et vont créer des interférences dans l'apprentissage actuel. Donc trois systèmes, je prends un peu le temps de les définir, parce qu'après je dirai simplement les termes, mais sachez que ça renvoie à cela. Heuristique, algorithme, et inhibition, positive. Ça va donc créer de la flexibilité mentale. Si on parvient rapidement à inhiber une heuristique quand elle ne marche pas, bien sûr. Je vous ai dit que l'heuristique fonctionnait très souvent, mais pas toujours. Donc 9 fois sur 10, il ne faut surtout pas inhiber l'heuristique, il faut la laisser filer, ça sera la bonne réponse rapide. Mais quelquefois, l'heuristique va créer l'erreur. Et à ce moment-là, pour ne pas faire d'erreur, il faut inhiber l'heuristique et activer l'algorithme. Et lorsque l'enfant se trompe, en général, on dit « bon, il n'a pas compris la notion, il n'a pas compris le concept, il n'a pas compris la règle. » On va lui répéter l'algorithme. Or, ce dont son cerveau a souvent besoin dans ces cas-là, ce n'est pas de connaître l'algorithme, il l'a, de maîtrise. C'est d'inhiber la vitesse de préactivation heuristique qui, si on ne l'inhibe pas, va court-circuiter l'algorithme. Et ce système logique, en tant que tel, les descriptions existaient déjà. C'est ce qu'a très bien écrit Piaget, par exemple. Toute sa théorie consiste à décrire les stades de la pensée logique. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces stades sont en fait un ensemble de stratégies qui sont tout le temps en compétition avec des heuristiques qui demeurent, qui ne disparaissent pas comme le pensait Piaget. Et dès lors, le mécanisme central du développement cognitif et sur lequel doit porter la pédagogie, le travail de l'école, c'est le contrôle inhibiteur, facteur d'intelligence par inhibition des heuristiques et activation des algorithmes. La théorie que je vous propose donc est une synthèse de la théorie de Kahneman, qui portait sur la domination des heuristiques chez l'adulte, et de la théorie de Piaget, qui portait sur le développement par stade, linéaire et hiérarchique des algorithmes logiques. Et cette synthèse oblige à intégrer l'inhibition, le cortex préfrontal, sinon on ne comprend pas. C'est totalement paradoxal. Vous allez voir que quelquefois, le bébé est déjà très algorithmique pour la logique, pour le nombre, ce qu'on appelle les connaissances proto-mathématiques. En revanche, on va observer qu'un enfant plus grand, un adulte, ne va pas du tout être logique. Il va transgresser des statistiques élémentaires qu'un bébé semble déjà maîtriser dans ses discriminations visuelles. Donc, toute l'étude du développement de l'enfant est jalonnée de paradoxes comme cela. Et pour lever ces paradoxes, comme toujours en science, pour intégrer les faits antérieurs qui sont paradoxaux, apparemment, il faut une théorie nouvelle. Et la théorie que je vous propose va permettre de comprendre ce paradoxe très souvent observé par les éducateurs ou les professeurs entre les compétences précoces et les incompétences tardives. On se dit souvent, mais je croyais qu'il avait compris. Ou il faut encore lui réexpliquer pourquoi n'a-t-il pas généralisé. Et ces paradoxes peuvent se lever pour un certain nombre d'entre eux par ce triple système, plutôt que soit un système heuristique, soit un système algorithmique. Donc apprendre à résister, ça va vouloir dire cela, inhiber les heuristiques qui peuvent être perceptives, qui peuvent être motrices, qui peuvent être sémantiques. Je sais que vous avez un atelier sur la lecture. Quand on fait l'interprétation d'un texte, il y a évidemment des associations sémantiques qui sont rapides, mais qui ne sont pas la bonne interprétation du texte. Donc, il faut inhiber ces heuristiques sémantiques. Ça peut être, vous verrez chez le bébé, un geste. Pour le raisonnement, ça peut être se laisser tenter par un aspect perceptif des éléments cités dans la règle. Donc les heuristiques, et ce sera votre travail de réflexion, comme les algorithmes, elles se déclinent dans tous les domaines de la construction des connaissances et dans tous les domaines de l'apprentissage. Ce dont je vais vous parler ici, même si on verra quelques exemples concrets pour que ce soit clair, mais ce dont je vous parle sont des processus généraux du cerveau. Et notre travail, nous, chercheurs, de recherche fondamentale, c'est d'explorer ces processus généraux. Alors, quelques mots sur l'histoire, puisqu'en effet, je viens d'écrire cette histoire de la psychologie, pour vous dire que ce dont on va parler là sont des questions chroniques transversales qui ont traversé toute l'histoire de la pensée depuis l'Antiquité. Vous reconnaissez ici le tableau de l'école d'Athènes, avec Platon qui pointe le doigt vers le ciel des idées, et Aristote, son élève, à l'Académie, qui pointe le doigt vers le réel, vers vous, par exemple, parce que Aristote était inéiste, pensait que le bébé, en fait, avait déjà visualisé avant sa naissance les idées essentielles, le vrai, le beau, le bien, et qu'au cours du développement, il devait y avoir une réminiscence de ces idées, et au contraire, son élève Aristote pensait que tout était empiriste, qu'il fallait, à partir de l'environnement et du réel, construire peu à peu des raisonnements, et des raisonnements rigoureux, d'où l'invention par Aristote des syllogismes. Et vous allez voir d'ici quelques dizaines de minutes que ces syllogismes, on en étudie aujourd'hui les bases cérébrales, et surtout ce qui se passe dans le cerveau des élèves, adolescents ou adultes même, quand ils font des erreurs de syllogisme. Face à quoi Aristote, déjà dans la Grèce antique, luttait ce qu'on appelait les sophismes et les paralogismes. Et les sophismes et les paralogismes, c'était, comme vous allez voir tout à l'heure dans ce qu'on étudie aujourd'hui avec les collèges et les lycées, voire avec des polytechniciens qui se trompent dans certains problèmes autant qu'un enfant, ce sont les erreurs, les paralogismes, les écarts du cerveau par rapport à la logique. Ce qui montre que même si on a l'algorithmique, même si on a le syllogisme, très souvent, on ne l'applique pas parce qu'une heuristique le court-circuite. Je fais cette référence historique pour vous dire qu'on ignore souvent combien finalement les technologies ont changé, les époques ont changé, la coloration, on va dire, culturelle, idéologique des choses ont changé, mais les questions essentielles sont quasiment les mêmes tout au long de l'histoire. Inéisme, soit les choses sont innées, et vous verrez que certaines le sont, et qu'on découvre des compétences cognitives précoces chez le bébé, et en même temps, constructivisme, empirisme, c'est-à-dire lien avec l'environnement. Et pourquoi Aristote était-il empiriste ? Parce qu'il considérait qu'on pouvait avoir un raisonnement, ce qui est vrai, valide, à partir de prémices fausses. Et que la seule logique, les seuls syllogismes, ne suffisent pas à avoir un raisonnement correct. Il faut vérifier dans le réel si les prémices du raisonnement sont exactes. Et c'est pourquoi il était empiriste. Aujourd'hui, donc, en psychologie de l'enfant, c'est toujours cela qu'on étudie. Comment, à partir des contraintes cognitives précoces, voire innées, vont se construire dans l'environnement par empirisme les connaissances nouvelles. Il y eut entre, disons, l'Antiquité et aujourd'hui, Descartes qui a repris cette idée inéiste. Il disait Dieu a déposé dans le cerveau du bébé des idées logico-mathématiques claires et distinctes. Kant a repris cette cette idée de dynéisme, d'a priori transcendantaux, disait-il, et en même temps d'autres s'y opposaient, comme Locke et Hume, les empiristes du XVIIIe siècle, s'y opposaient en disant non, non, et ils retrouvaient cette lignée d'Aristote, l'environnement est extrêmement important dans la construction des connaissances. Et le seul, dans tout cela, qui a fait une vraie synthèse, et la première, on ne dit pas suffisamment, je vais d'abord lui rendre hommage et puis le critiquer, parce que en science, on révise les choses, comme vous l'avez dit, j'ai en effet eu la lourde tâche de réviser Piaget avec d'autres, mais le seul qui a fait la première vraie synthèse après 2000 ans entre l'inéisme qui venait de Platon, qui est passé par Descartes et Kant, et l'empirisme qui venait d'Aristote pour les raisons évoquées, passant par Locke et Hume, c'est Piaget. Et ce mot qui fait la synthèse, c'est le constructivisme. Piaget a développé une théorie selon laquelle chaque enfant va, dans ses interactions avec l'environnement, à partir de mécanismes innés pour certains, va construire ou reconstruire le monde qui l'entoure, les lois de catégorisation, de dénombrement, de raisonnement, va reconstruire comme un petit scientifique le monde qui l'entoure, et c'est ni de l'inéisme ni de l'empirisme, c'est du constructivisme. Ce que je vais vous présenter comme découverte actuelle sont toujours dans ce cadre constructiviste, qui respectent certaines compétences très précoces, d'autres qui doivent absolument s'élaborer avec l'environnement, notamment l'environnement scolaire. Simplement, je pense que Piaget n'a pas identifié le bon processus central et que sa dynamique du développement par stade est une erreur parce que le développement est beaucoup plus dynamique et non linéaire. En parallèle de cette histoire de la psychologie, il y a eu celle, en effet, plus récente de la biologie. Le seul nom qu'il faut citer, c'est Darwin au XIXe siècle, l'évolution des espèces, qui introduit l'idée qu'à travers la phylogenèse, donc les millions d'années d'évolution animale que conduit à l'homme, à travers la phylogenèse, c'est notamment développer l'intelligence et certains êtres vivants qui, dans l'univers, dotés d'un cerveau, ont été plus adaptés que d'autres, et ce cerveau a peu à peu connu la construction d'un cortex préfrontal, et c'est ce cortex préfrontal qui nous permet, par exemple, d'inhiber nos automatismes, de, par exemple, prendre une conduite de détour pour éviter un prédateur en imaginant le contexte antérieur est beaucoup plus ancien de l'homme. Et aujourd'hui, prédateur, c'est l'erreur cognitive à l'école qu'il faut parvenir à éviter. Donc Darwin a introduit la phylogenèse, première échelle de temps. Piaget a repris l'ontogenèse, l'échelle de temps plus courte de la naissance à l'âge adulte, à travers laquelle il a décrit l'évolution de l'intelligence, mais dans le même esprit que Darwin décrivait cette évolution à travers les espèces. Et enfin, on étudie, nous, aujourd'hui, des microgenèses. Et ce sont des exemples de microgenèse que l'on va voir du bébé à l'adulte, c'est-à-dire comment, au cours de quelques minutes, quelques semaines, quelques mois, ou si on va au cours de quelques dizaines de millisecondes, ce que l'on mesure en imagerie cérébrale et en psychologie expérimentale, donc comment, dans ces microgenèses, le cerveau va se reconfigurer pour apprendre. Et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que quand on observe un enfant ici et maintenant, eh bien, il y a toujours ces trois échelles de temps, comme les poupées russes de la psychologie, qui sont imbriquées. On observe une microgenèse, mais elle s'inscrit dans une ontogenèse qui s'inscrit elle-même dans une très longue phylogenèse. Et ces questions sont essentielles parce que le cerveau s'est configuré et s'est adapté dans la phylogenèse, et certains de ces mécanismes adaptatifs, que vous allez voir qu'on les retrouve dans la façon dont le bébé et l'enfant doivent s'adapter dans son environnement, dans sa culture, y compris au niveau cognitif. À travers tout cela, la question que l'on se pose, en termes très simples, c'est comment le cerveau bouge, travaille, apprend. En termes un peu plus techniques, c'est la question de la maturation. Vous verrez que la maturation va renvoyer aux aspects innés, à l'innéisme dont je parlais depuis Platon, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera le programme génétique prédéterminé qui va donner le calendrier des acquisitions chez le bébé, l'enfant et l'adolescent. Mais il y a d'autres processus biologiques, comme la plasticité qui va, à niveau de maturation donnée, permettre de reconfigurer le cerveau. Une notion un peu plus précise que celle de plasticité, la vicariance. Et je vais vous donner toute une série d'exemples de vicariance. Chacun d'entre nous sait, en général, qu'en médecine, c'est un terme médical au départ, la vicariance, c'est la suppléance fonctionnelle d'un organe ou d'une partie d'un organe par un ou une autre. C'est ça, la vicariance. Mais la vicariance, nous la découvrons aussi au niveau cognitif, au niveau cérébral. Comment l'élève doit apprendre à utiliser, à parcourir avec son cerveau des chemins cérébraux différents pour s'adapter à une même tâche. Et finalement, ce que l'école provoque, c'est utiliser des chemins différents. Et c'est une éducation à la vicariance. Et c'est vraiment cela qu'il faut faire pour être flexible et, par exemple, inhiber le système 1 heuristique et activer le système 2 algorithmique dans un cas de figure où tout portait à croire qu'il fallait appliquer l'heuristique, c'est de la vicariance. C'est utiliser un autre chemin dans une situation d'adaptation précise, donc dans une microgenèse. Synonyme vicariance de flexibilité. Mais le meilleur terme, c'est vraiment la vicariance parce que ça existe à tous les niveaux d'organisation du vivant. J'étais hier à une séance de l'Académie des technologies à Paris et il y avait un très bel exposé sur les prothèses aujourd'hui qui sont de plus en plus compris, les prothèses de jambes, de membres inférieurs qui sont de plus en plus perfectionnées. Et ils utilisent aussi ce concept de vicariance pour montrer comment, avec des prothèses qui sont aujourd'hui construites, y compris avec de l'intelligence artificielle, qui est vraiment une adaptation de la force du muscle à l'intention du cerveau de bouger. Et là aussi, le concept de vicariance est très important. Donc ici, dans le cadre, non pas de la maladie, mais de l'enfant sain, la vicariance est aussi vraiment un mécanisme au cœur de ce que l'on va voir. Comment le cerveau apprend était la première question. En résumé, puisque le but, c'est de vous donner vraiment les conclusions des recherches pour qu'elles puissent vous être utiles à votre réflexion. L'imagerie cérébrale, depuis une bonne décennie, a découvert et confirmé deux façons pour le cerveau de bouger, d'apprendre, lors d'une microgenèse. La première, que vous voyez sur cette série d'images ici, alors je vous remercie pour l'organisation, parce que l'écran est suffisamment proche qu'il m'ait permis de pointer du doigt sur le pointeur, ce qui reste quand même plus humain et plus vivant. Donc, vous voyez ici ce qui va se passer dans le cerveau sur cette première ligne, c'est le cerveau du même élève. Si vous voyez plusieurs cerveaux qui se succèdent, c'est parce qu'on est là, dans une micro-genèse cognitive, donc ce qui va se passer dans le cerveau au cours d'un apprentissage. On est dans la plus petite des poupées russes par rapport à micro-genèse, ontogenèse, phylogenèse. À un âge donné, on va voir ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui apprend, et ici c'est l'apprentissage par cœur d'une liste de mots. Vous voyez, si c'est perceptible, qu'au tout début, c'est la partie avant. Je mets mon cerveau dans le même sens que l'image. C'est le cortex préfrontal de l'élève qui est fortement activé, parce qu'il ne connaît pas encore la liste de mots. Donc, il doit totalement focaliser son attention sur cet exercice. Il y a un effort de mémorisation. Et lorsque, et ça se voit par ses performances, il connaît la liste de mots par cœur, deuxième cerveau, vous voyez que le cortex préfrontal n'est plus activé, et qu'il y a une reconfiguration, une plasticité, un transfert, des activations cérébrales vers l'arrière du cerveau, donc des activations postérieures et même sous-corticales. C'est là, dans ce réseau postérieur et sous-cortical, que va se cristalliser l'automatisme, ici on va dire sémantique, qui correspond à la liste de mots connus et répétés par cœur. Et comme c'est une répétition orale, il y a aussi les régions sous-corticales, donc le cervelet, dont on sait qu'il est impliqué finement dans la coordination motrice, y compris verbale. L'intérêt de cette figure, c'est de voir que lorsqu'on apprend de cette façon, donc par automatisation, par répétition, qui est l'une des formes d'apprentissage classique à l'école, la reconfiguration neuronale est antéro-postérieure, c'est-à-dire l'apprentissage part de l'avant et va vers l'arrière du cerveau. Et le but de l'apprentissage, c'est que l'élève utilise uniquement les parties postérieures et sous-corticales de son cerveau, c'est-à-dire qu'il ait appris l'automatisme. Si au même élève, vous représentez une liste de mots nouveaux, c'est le troisième petit cerveau sur cette première ligne, mais vous voyez qu'il réactive à nouveau son cortex préfrontal parce que la liste est nouvelle, il doit faire un effort et il doit réapprendre. Et donc, là, vous voyez, c'est la première recherche qu'ont réalisée des Américains, avec l'autre à droite, c'est notre laboratoire qui l'a découverte, ce processus, mais c'est très joli le premier résultat, parce que ça montre vraiment ce qui se passe lors d'une micro-genèse dans le cerveau humain, lorsque l'enfant automatise. Donc là, il va construire un automatisme, et ça correspond à une loi biologique de l'avant vers l'arrière du cerveau. Nous avions l'intuition, avec toutes les observations que j'avais déjà pu faire sur des milliers d'enfants d'âges différents, dans des domaines différents, qu'il devait y avoir le symétrique, c'est-à-dire le processus d'apprentissage neuronal, biologique, exactement contraire dans le cerveau. Et donc, on l'a démontré pour une tâche de raisonnement que je vous soumettrai tout à l'heure, je vous la ferai faire en collectif à la fin de l'exposé. Dans une tâche de raisonnement, on a pu démontrer que, avant l'apprentissage, quand les élèves font une erreur de raisonnement, une erreur de logique, c'est ce que Aristote aurait appelé un sophisme ou un paralogisme, quand on fait une erreur de logique, c'est au départ la partie arrière du cerveau qui est activée, postérieure, on est dans un automatisme de pensée, et dans ce cas-là, le but de l'apprentissage, c'est d'exercer le contrôle inhibiteur et apprendre à l'élève à inhiber sa première réponse automatique pour réfléchir, prendre le temps et activer, dans ce cas, un algorithme logique de raisonnement. Et à ce moment-là, le but de l'apprentissage, ce n'est pas de désengager le cortex préfrontal, c'est au contraire d'engager le cortex préfrontal qui va permettre l'inhibition d'automatismes perceptifs, par exemple, et l'activation d'une réflexion logique qui sera habitée par un algorithme, un syllogisme, une déduction, tout ce que l'on peut imaginer en logique. Donc, pour cette première illustration, vous voyez très clairement que dans le second cas, le sens, la direction de ce que provoque l'apprentissage dans le cerveau est inverse. Ici, c'est une reconfiguration postéro-antérieure, de l'arrière vers l'avant du cerveau, parce qu'on va se mettre en mode contrôlé, inhibiteur pour réfléchir. Et ça, c'est assez joli pour nous. En termes mathématiques, on appellerait ça une loi ou une symétrie remarquable. C'est-à-dire que quand le cerveau humain apprend, vous vous souvenez des concepts au départ, plasticité, vicariance, il peut bouger, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire être vicariant, plastique, dans deux sens diamétralement opposés, qui est soit l'automatisation, soit l'inhibition de l'automatisme, ce que j'appelle contrôle inhibiteur, apprendre à résister. Et que notre cerveau a cette potentialité qu'il devra réexercer toute sa vie à tous les niveaux de l'école et dans des domaines très différents, de soit automatiser, soit aussi pour le même automatisme être capable de l'inhiber dans notre cas et faire le chemin inverse. Il faut dire que la conception la plus partagée de l'apprentissage est la première, parce que c'est ce qu'on fait quand on apprend à conduire une voiture, c'est ce qu'on fait quand on apprend, comme l'exemple que j'ai donné, une liste de mots par cœur, ou des règles à connaître, des concepts à connaître. Quand on fait du sport ou de la musique, évidemment, on s'entraîne de façon intense pour finir automatiser ce qui, au départ, demandait un effort collectif. Donc, c'est la conception la plus répandue de l'apprentissage, et c'est sans doute ce qui se fait quand même le plus souvent à l'école, c'est-à-dire d'apprendre par la répétition, la mémorisation, l'acquisition, l'automatisation. Et c'est très important. Néanmoins, on a plutôt tendance à oublier, même si on le fait quelquefois, il faut tout autant, mais vraiment tout autant, entraîner le cerveau en sens inverse, c'est-à-dire à inhiber ses automatismes, et quelquefois les mêmes, pour penser autrement, pour résister, pour être créatif, pour raisonner. Et on va voir, le raisonnement à lui seul ne suffit pas. Ce n'est pas parce que l'enfant est capable de raisonnement, est capable de logique, que son cerveau utilisera cette logique dans un problème de logique. Et c'est là où le triple modèle va être utile. C'est-à-dire qu'on peut être logique et faire des erreurs de logique parce qu'une heuristique va court-circuiter la logique et qu'on ne sera pas capable ou qu'on n'aura pas été entraîné à l'inhiber. Donc, première découverte, les deux lois fondamentales d'apprentissage du cerveau, apprentissage par automatisation, par contrôle inhibiteur, inhibition de l'automatisme, en fait, correspondent bien à une loi symétrique antéro-postérieure ou postéro-antérieure dans le cerveau. Ce double apprentissage, vous allez le retrouver à toutes les étapes de la construction de l'intelligence chez l'enfant, au cours de l'ontogenèse, cette fois. À ce qu'on vient de voir, ces deux mouvements du cerveau, c'était des microgenèses. C'était au cours d'un apprentissage de vie. Durant l'ontogenèse, le premier élément, la brique de base de l'architecture cognitive que le bébé doit construire, c'est la permanence de l'objet. Vous voyez ce livre, Apprendre à résister. Je le cache derrière moi. Il est évident pour vous tous qu'il continue d'exister. Votre cerveau fonctionne néanmoins de façon très différente qu'il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes, c'était vos réseaux de perception visuelle qui s'activaient. Et quand je le cache, immédiatement, votre cerveau doit utiliser une inférence, une notion fondamentale qu'on appelle la permanence de l'objet. Chez le bébé, cette permanence n'existe pas. Le jeune bébé ne va pas chercher un objet qui vient de disparaître, même s'il en a envie, parce que pour lui, il n'a pas le concept, il n'a pas la notion, l'algorithme d'objet permanent, et l'objet a simplement disparu. Il est triste, il pleure, mais n'essaye pas d'aller le chercher alors qu'il est accessible. Si je cache partiellement cet objet par la table qui est ici, pour aucune ou aucun d'entre vous, il ne s'agit d'un demi-livre. Vous inférez l'unité du livre. Et donc ces deux notions fondamentales, unité et permanence de l'objet, qui sont regroupées ici dans la notion objet, est sans doute la brique de base de cette cathédrale, de cette architecture cognitive que dans son cerveau, l'enfant doit construire. Vous allez voir que déjà là, dans la construction de l'objet chez le bébé durant la première année de sa vie, on va trouver les trois systèmes. Il y aura des heuristiques de recherche motrice, des algorithmes de recherche motrice et la nécessité pour le bébé, pour corriger ses erreurs à l'égard de la permanence de l'objet, d'inhiber ses heuristiques, ses automatismes cognitivo-moteurs pour activer un algorithme. Deuxième niveau de l'architecture cognitive, il se déduit très simplement. Donc imaginez que vous soyez au début de votre ontogenèse, que vous soyez dans le cerveau d'un bébé. Vous venez de découvrir la permanence de l'objet. On verra après les situations dans lesquelles cette découverte se fait. Mais ça veut donc dire que votre cerveau va, à ce moment-là, connaître une révolution qui va consister à découper mentalement le monde social et physique qui l'entoure, parce que je vous ai donné un exemple avec un objet physique, mais ça pourrait être un objet humain, un objet social qui apparaît, qui disparaît. Le monde qui l'entoure va être constitué de multiples objets uniques et permanents. Ça veut dire que le cerveau va passer du continu au discontinu, au discret, si on prend les termes, la thématique exacte. On va catégoriser, discrétiser tout l'environnement qui nous entoure. Mais ça ne suffit pas. Immédiatement, s'il y a plusieurs objets, qu'ils sont multiples, on veut mettre de l'ordre. Et cet ordre, ça va être quoi pour le cerveau? D'abord, un ordre quantitatif. On peut faire du traitement quantitatif des objets, des compter, soit de façon approximative, soit de façon exacte. Ça va être, on verra très tôt chez le bébé, le jeune enfant, l'émergence du nombre. Et cette émergence précoce est naturelle, puisque de fait, la multiplicité des objets uniques et permanents identifiés incite au comptage. Soit qu'on y soit obligé par une tâche, par une adaptation, soit par simple curiosité. On compare, on fait des approximations, vous allez voir que le bébé fait déjà des statistiques sans qu'on l'imagine. Donc tout ça, c'est du nombre. Et le nombre sera la brique de base dans le cerveau de la construction via l'école, la culture, des mathématiques, jusqu'aux mathématiques les plus complexes qu'on puisse appliquer et découvrir. Mais on ne fait pas seulement du traitement qualitatif des objets. Le cerveau, de façon irrépressible, aura aussi envie, pour ces mêmes objets multiples et permanents, de faire du traitement, non pas, je me suis peut-être trompé, pardonnez-moi, le nombre c'est quantitatif, tout le monde est d'accord, c'est une erreur. On fait aussi du traitement qualitatif, selon la qualité, la forme, la fonction, la couleur, c'est la catégorisation. Et comprenez bien que ces deux activités dans l'architecture que j'ai décrites, ces deux activités sont totalement complémentaires et synergiques. Et elles diffèrent à la racine sur cette distinction quantitative-qualitative. Et ce traitement quantitatif-nombre et qualitatif-catégorisation ne peut se faire que si, au préalable, on a identifié dans l'environnement des objets uniques et permanents, donc l'aspect discret et discontinu. C'est pourquoi très tôt, le bébé fera à la fois du qualitatif, du quantitatif et aussi la synergie des deux. L'enfant, très tôt, a envie, on lui apprend à compter, par exemple, le nombre de carrés rouges dans un ensemble de formes géométriques diverses, et donc il fera du quantitatif, il nécessitera aussi du qualitatif d'identifier les carrés rouges. Et quand on fait, par exemple, des mathématiques ou des statistiques, à l'âge adulte, ou chez les adolescents, c'est ce que l'on fait. On va faire du traitement quantitatif sur des catégories, par exemple, identifiées de façon très qualitative. Alors, on n'a pas encore là toute l'architecture cognitive, parce que ces traitements quantitatifs et qualitatifs, très souvent chez l'enfant, portent sur du concret, comme le livre, un objet concret. Et à un moment donné du développement, Piaget pensait que c'était à l'adolescence, dans sa logique des stades, mais on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus précoce, à un moment donné du développement, ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs ne porteront plus seulement sur des objets concrets, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et à ce moment-là, le cerveau humain, au cours de l'ontogenèse, se met dans sa toute puissance, en quelque sorte. Ça n'empêchera pas, vous verrez, des erreurs multiples et tardives. Mais le cerveau humain, lorsqu'il raisonne, se met dans sa toute puissance, parce que ça veut dire qu'on peut catégoriser ou dénombrer sur des idées, des hypothèses. Et à ce moment-là, le réel, c'est-à-dire l'environnement qui nous entoure, devient seulement un cas particulier du possible. Et c'est ça qui se passe quand on commence à raisonner. On se dit, le réel est tel qu'il est, mais il pourrait être autrement. Piaget disait cela très bien, il disait qu'avant l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel. Cette phrase veut dire, le possible, c'est ce qu'on peut faire avec les objets, soit les catégoriser, soit les quantifier, catégorisation nombre. Le possible est un cas particulier du réel, l'enfant découvre le réel, il croit que seul ce qui l'entoure, ce qu'on lui propose est possible, et à un moment donné, lorsqu'on raisonne, on se dit, mais c'est l'inverse. Le réel est aussi un cas particulier du possible, on pourrait changer les choses. C'est la science on fait du raisonnement hypothético-déductif. C'est l'art qui va dessiner les choses autrement qu'elles n'existent. C'est l'imaginaire, c'est la politique. Le début des idées politiques émerge en général à l'adolescence, au moment où l'enfant commence à contester ses parents, le monde, l'autorité, parce que la raison fondamentale, c'est que le cerveau commence à raisonner. Il commence à faire des hypothèses et à se dire « on pourrait faire les choses autrement ». Et ça, c'est essentiel. Le raisonnement est au cœur, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secondaire, de toutes les acquisitions cognitives. Je reviendrai surtout sur l'aspect vraiment logique, mathématique, mais sachez que c'est vrai aussi pour la morale, pour la politique, pour l'art en général, c'est vraiment le raisonnement qui permet au cerveau humain, sans doute, de se différencier par l'abstraction des autres espèces. Et tout cela, c'est ce que j'appelle, et ainsi vous le comprendrez mieux, l'architecture cognitive. C'est une vraie architecture qui doit se construire au cours de l'enfance, donc de l'auto-jeunesse, dans le cerveau humain. Permanence de l'objet, nombre, catégorisation et raisonnement. Et mon laboratoire de recherche, après avoir défini cette architecture cognitive, étudie tous ces domaines. Et nous avons donc des recherches expérimentales extrêmement précises, avec des tests, des ordinateurs, de l'imagerie cérébrale, de plus bons portées pour certains sur le raisonnement, dont je vous donnerai un exemple, d'autres sur la catégorisation, je n'ai pas prévu d'exemple, mais si vous m'en demandez, je vous les verbaliserai. D'autres, beaucoup sur le nombre, là j'ai prévu beaucoup d'exemples à vous montrer. Sur l'objet, chez le bébé. Et donc, ces éléments d'architecture cognitive deviennent pour nous notre thème de travail. Tout comme vous allez faire des ateliers cet après-midi, un laboratoire CNRS comme celui que je dirige, où il y a une trentaine de jeunes chercheurs et enseignants chercheurs qui vont consacrer leur vie à comprendre cette architecture cognitive. C'est essentiel, puisqu'elle est universelle. Elle est déclinée dans des cultures différentes, mais ce sont les mécanismes cognitifs d'apprentissage du cerveau humain. Et ce sont ces notions qui nous permettent en quelque sorte de nous répartir le travail. Et dans tel projet, on va étudier telle notion, le lien entre nombre et catégorisation, etc. Pour cette introduction, qui est théoriquement un peu longue, mais c'est obligatoire parce que justement on va remettre en cause des fondamentaux, on pourrait croire, comme le disait Piaget, que le développement est linéaire et hiérarchique par Stade. Cette notion du progrès. Je ne vais pas vous refaire Piaget, vous le connaissez sans doute tous. Stade qui va du sensorimoteur chez le bébé, à l'opératoire formel à l'âge adolescent et adulte, en passant par le préopératoire, où l'enfant n'est pas encore logique avant ses 8 ans, et l'opératoire concret. Quatre grands stades. Et pour Piaget, c'est ainsi, à travers cela, que se construisait l'architecture cognitive de la permanence de l'objet au raisonnement. Ce que je vais vous montrer, c'est que cette logique des stades ne marche pas, on n'est vraiment qu'un cas de figure exceptionnel pour décrire les choses, et que le développement au cours de l'ontogenèse correspond à ce qu'on appelle en physique et aujourd'hui en psychologie, un système dynamique non linéaire. Vous avez sur le premier schéma des âges, en abscisse. Les âges, c'est donc l'ontogenèse. Là, on est sur la pupérus intermédiaire, ontogenèse. En ordonnée, ce sont les stades. Est en anglais, mais ce sont les stades, les quatre stades de Piaget. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que, en fait, à travers les âges, donc l'autogenèse, ce qui va caractériser le fonctionnement cognitif et intellectuel de l'élève, de l'enfant, est un système comme celui-là, c'est-à-dire dynamique et non linéaire, avec en ordonnée non pas des stades, qui ferait que l'enfant aurait à un moment donné une seule structure dominante de pensée, mais à chaque âge, plusieurs stratégies dont vous avez en ordonnée la fréquence d'usage, dont la fréquence d'usage est le critère clé de son application. Si elle est très fréquente, il peut s'agir d'une heuristique qui, par exemple, va court-circuiter un algorithme qui est déjà là, mais que l'enfant n'utilise pas parce qu'il n'a pas l'habitude de l'utiliser fréquemment. Donc, à tout moment, ces vagues que vous voyez sont des stratégies cognitives qui dominent plus ou moins, selon le contexte, selon l'émotion, selon ce que l'enfant vient d'apprendre dans un autre domaine, qui dominent plus ou moins, et qui sont donc dépendants de leur fréquence d'usage et dès lors du contexte. Et c'est ces schémas comme ça que vous comprenez que l'étude du cerveau, ce n'est pas du tout indépendant du contexte social ni du contexte scolaire, au contraire. C'est le contexte ou le professeur qui va faire que cette fréquence d'usage et stratégie peut être modulée. Et c'est tout à fait différent que de se mettre dans un cas de piagétien, on se dit, bon, ben, l'enfant est à tel âge, on sait de toute façon qu'il ne peut faire qu'un raisonnement effectif, ou qu'après il pourra faire un raisonnement logique, mais sur du concret. Ou qu'un adolescent devrait nécessairement être logique, alors qu'on découvre qu'il ne l'est pas. Donc, ce système dynamique non linéaire, vous devez tout à fait l'articuler dans votre esprit avec le triple système que j'ai montré tout à l'heure, et en vous disant qu'à tout moment, vous avez des heuristiques et des algorithmes qui sont ces stratégies plus ou moins dominantes, et qu'il faudra dès lors, vous le comprenez, et c'est ce que j'aurais représenté par la double flèche en bleu, ce système d'inhibition, ce troisième système, qui, lorsque c'est utile, va inhiber l'heuristique dominante, c'est-à-dire réduire sa fréquence d'usage au point de ne pas l'utiliser dans la situation présente, pour activer un algorithme qui est déjà présent dans le cerveau de l'enfant, mais qui ne passe pas dans sa réponse, donc on ne voit pas. Donc on peut penser qu'il ne l'a pas, parce qu'il fait une erreur. L'algorithme étant présent, ce que l'enfant doit apprendre, c'est bloquer, inhiber l'heuristique et activer l'algorithme, avoir la force d'activation de l'algorithme, et le cortex préfrontal sert à cela pour répondre correctement. Si le développement de l'enfant était hiérarchique et linéaire, il n'y aurait pas besoin de ce troisième système, pas besoin du processus inhibiteur, parce que c'est en quelque sorte la logique des stades et du développement qui ferait qu'on attendrait que le système logique émerge ou soit construit. Mais dès l'instant où on sait que même quand il est construit, il peut être court-circuité par une heuristique, ou que bien avant qu'il ne soit construit selon Piaget, il existe déjà, mais pourquoi n'apparaît-il pas? Parce que d'autres heuristiques l'empêchent. Ce qui permet cette inhibition et cette activation, donc ce que j'appelle la vicariance, la flexibilité, c'est le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui va mettre la mémoire de travail, en mode exécutif, c'est pourquoi vous avez un grand E sur ce schéma. L'enfant doit se mettre dans un mode exécutif, inhibé, voyant que dans ce carré, il y a des hachures avec un cercle central, le hachure modélise la zone d'inhibition. Il faut être capable, même si l'heuristique domine et est très tentante, de l'inhiber, de la bloquer, ce qu'on appelle un filtre sélectif en mémoire de travail. Donc ça se passe comme ça dans le cerveau, et vous verrez qu'on peut créer des situations didactiques qui correspondent à ce fonctionnement, sur écran, sur une table, du matériel didactique. Il faut l'inhiber, et reste une grande zone centrale d'activation, qui dans ce cas-là n'est plus perturbée par l'heuristique dominante, il faut encore trouver la bonne réponse. Et l'algorithme, quelque part, s'il existe, vous l'apprendre à l'enfant. Et c'est la dernière phase d'activation, et le petit rond central, c'est l'algorithme, c'est la règle. Alors ce schéma-là, pour la question d'aujourd'hui, il est capital. Pourquoi? Parce que très souvent, les enfants, déjà le bébé, l'enfant et l'adulte, se trompent, non pas parce qu'il n'a pas l'algorithme, non pas parce qu'il n'a pas la notion. L'algorithme, c'est le petit rond central qui va être activé tout à la fin. Mais l'enfant peut se tromper par défaut d'inhibition préalable d'une heuristique plus rapide qui va court-circuiter l'algorithme. Et vous comprenez que si on ne passe pas par cette phase d'inhibition dans le cortex préfrontal, c'est la réponse la plus rapide qui apparaîtra. Et l'enfant va se tromper si l'heuristique ne marche pas. Mais ce n'est pas parce qu'il se trompe qu'il n'a pas la notion. Il peut avoir la notion très élaborée. Il peut avoir l'algorithme, mais être incapable de se tromper parce qu'on n'y a pas appris et inhibé dans ce cas-là l'automatisme qu'il perçoit, qu'on lui répète, être toujours pertinent dans des situations lointaines ou très proches. Donc cette phase d'inhibition, cette linéarité des trois processus, mode exécutif inhibé puis activé, est essentielle parce que c'est là qu'on comprend qu'on se trompe sur le statut d'erreur et que très souvent, l'enfant peut se tromper dans un problème de logique tout en étant très logique. Et donc c'est autre chose qu'il faut lui apprendre. Et c'est ça qui crée la flexibilité. Alors pour étudier tout cela, nous allons maintenant rentrer dans le concret. Mon laboratoire se situe, si vous visitez le quartier latin, dans le bâtiment de la Sorbonne, au quatrième étage de la rue de Saint-Jacques, qui fut le premier laboratoire français de psychologie créé à la fin du XIXe siècle, où Alfred Binet a inventé les échelles d'intelligence qui sont devenues le QI, qui a aussi trop stigmatisé les enfants, hein, comme le stade, les stades de Piaget, même si ça peut être utile pour avoir des repères. Et dans ce même laboratoire, donc, qui est toujours resté un laboratoire de psychologie, dont j'ai hérité au milieu des années 90, on a aujourd'hui donc, toute une équipe d'enseignants, de chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire qui est rénové avec des technologies les plus pointues, c'est-à-dire à la fois des ordinateurs, mais aussi des stations de travail qui permettent de visualiser ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Vous voyez que nous sommes respectueux des maîtres, donc il y a un grand et beau portrait de Piaget très très grand, hein, c'est vraiment sur un très grand mur, dans la salle où on fait toutes nos réunions scientifiques et où les jeunes du labo des jeunes aussi chaque jour, donc c'est vraiment la salle familiale du laboratoire, et il y a toujours au-dessus de nous ce regard de Piaget qui passe juste au-dessus, et qui, pour ceux qui l'ont connu, je l'ai hélas pas connu, j'ai connu Nelder et ses proches collaborateurs, mais les gens qui l'ont connu et qui viennent au labo disent, c'était fait par une artiste, elle a vraiment bien capturé le regard de Piaget, c'était son regard. Alors, nous travaillons avec des centres d'imagerie cérébrale sur le plateau de Saclay. Beaucoup Cicéron en Basse-Normandie, on a une cohorte d'enfants que l'on suit. On a commencé en grande section de maternelle qui sont aujourd'hui des adolescents, des grands adolescents. Donc là, on prend l'autogenèse avec une étude longitudinale et transversale. et grâce aux technologies numériques actuelles, connexion à distance, etc., des réseaux privés d'information, on peut très rapidement faire une acquisition d'image cérébrale ici avec l'IRM 3 Tesla des enfants d'une école sur ce site d'imagerie à Caen et avoir à Paris les images reconstruites dans la journée ou le lendemain, on discute, on travaille. Mon assistante peut en témoigner, les étudiants font des statistiques, ne sont pas d'accord, on aurait dû regarder autrement. Et donc tout ce travail-là est aujourd'hui possible. Alors comment fait-on? La grande révolution, outre la reconstruction théorique du développement cognitif, tel que je vous la présente comme un système dynamique et non linéaire à tous les âges, avec des heuristiques, des algorithmes et un système d'inhibition, il faut des technologies pour montrer la réalité de ça dans le cerveau et tester le modèle. La chance inouïe qu'ont les psychologues de notre génération, c'est l'apparition des technologies d'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle à la fin du XXe siècle, et notamment l'IRM. Ce que vous voyez ici, c'est une machine, Philips, une IRM 3 Tesla, une IRM très efficace, très puissante, qui donne une très bonne résolution spatiale pour les images du cerveau, qui ne présente aucun, qui est une technique totalement non invasive, très ludique, vous allez voir dans la façon dont on prépare les enfants à passer les IRM. Et il y a aussi, ça n'a plus de montée en Sorbonne, de l'EEG haute densité. Là, il y a une cage de Faraday qu'on a installée dans une ancienne bibliothèque qu'on a modernisée, avec un bonnet sur la tête des enfants ou des adultes, qui a 256 capteurs, 256 électrodes, dont notre assistante Julie Vital le pose sur la tête des enfants, des élèves en quelques minutes, et là ça donne une très bonne résolution temporelle à la milliseconde. Et ça, ce sont les micro-genèses dont je vous parlais. Là, on va voir comment en dizaines de millisecondes une heuristique, par exemple, peut court-circuiter un algorithme, ou comment le cortex préfrontal va interrompre, inhiber l'heuristique pour activer l'algorithme. Et on peut, grâce aux ordinateurs, combiner toutes ces techniques, c'est-à-dire avoir à la fois la résolution temporelle très bonne par l'EEG haute densité, et dans une autre tâche, en IRM, avoir la configuration spatiale. En quelques mots, les premiers résultats d'imagerie cérébrale ont déjà montré au niveau anatomique, simplement l'aspect structural, c'est-à-dire par exemple la matière grise. Est-ce qu'il y a augmentation ou diminution de matière grise au cours du développement? Ce facteur-là est ce qu'on appelle la maturation. Premier concept que j'évoquais au départ dans les concepts neuroscientifiques. Ce qui a permis de découvrir l'imagerie anatomique en suivant des enfants du plus jeune âge, ici par exemple de 5 ans à 20 ans, est qu'il y a un calendrier très prolongé et différencié de la maturation cérébrale dans le cerveau au cours de l'enfance. On apprenait jadis dans les cours de médecine ou en psychologie qu'il y avait bien une maturation neuronale, mais au tout début de la vie chez le bébé. Les livres, tout se joue avant 2 ans, tout se joue avant 6 ans, parfois, on a toujours cette idée fausse, enfin partiellement vraie et partiellement fausse, que tout se joue du point de vue de la maturation très tôt. Et puis après, c'est l'environnement, la culture, donc on dirait d'abord Platon et puis Aristote. Non, ça dépend du système cérébral. Vous voyez qu'il y a ici, je ne sais pas si vous les discriminez, mais si vous oubliez tous les membres, il y a 3 courbes qui se chevauchent, qu'on appelle des courbes en U inversées. Pourquoi sont-elles en U inversée? Parce que c'est ainsi qu'est la maturation dans le cerveau humain. Il y a d'abord une ouverture neuronale, une multiplication synaptique, donc beaucoup de possibles neurones. Et lorsqu'on apprend, on sélectionne, on stabilise certains réseaux par rapport à d'autres parce qu'on se spécialise. C'est vrai pour les langues. Hein, les bébés, tous les bébés du monde naissent avec la capacité potentielle de parler toutes les langues du monde. Et ça, c'est très bien démontré. Beaucoup de langues. Néanmoins, on ne va avoir qu'une langue maternelle, ou 2, ou 3, mais 2 parfois si on fait un bilinguisme précoce. Ça veut dire qu'au départ, et c'est vrai pour l'objet, le nombre, la catégorisation, le raisonnement, pour chaque apprentissage, on a d'abord une augmentation de la matière grise, c'est-à-dire un potentiel cérébral. Et l'apprentissage, l'expertise, c'est toujours se spécialiser, c'est toujours sélectionner, parce qu'on ne peut pas tout connaître et tout apprendre en même temps. Il y a des fenêtres de développement. Parce qu'il est vrai que quand cette fenêtre est ouverte pour le langage, il vaut beaucoup mieux faire un bilinguisme très précoce, s'il est bien identifié, que d'apprendre, et on le sait, une langue seconde plus tard. On peut le faire, mais il faut réouvrir dans le cerveau des tiroirs qui ont été fermés. Et ces tiroirs qui ont été fermés, c'est la diminution des courbes, c'est-à-dire au moment où on apprend, il y a une diminution de matière grise qui est positive parce qu'on apprend, mais qui en même temps fait qu'on se spécialise et que certaines connexions, certains réseaux, en interaction avec l'environnement, vont être stabilisés et pas d'autres. Dépendant aussi des feedbacks, donc du retour du professeur ou de l'éducateur. L'information essentielle ici, c'est que ces courbes en U inversées, ben, il n'y en a pas qu'une au début. Il y en a au moins trois et qui se distribuent jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte. Et elles dépendent du système cérébral impliqué. La première d'entre elles, alors ça, je suis convaincu que c'est tout à fait visible pour vous, mais je laisserai à disposition, vous verrez sur la vidéo, YouTube, je salue la caméra, que vous aurez les diapos, mais vous pourrez faire des incrustations. Je vous donnerai le diapo. Donc, premier système sensorimoteur. Ça veut dire que la première chose qui est vraiment mature très tôt chez le bébé, c'est tout ce qui était sensoriel et moteur. Et là, Piaget avait bien vu, il avait appelé ce stade sensorimoteur. Là, il s'est trompé, si vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup plus de cognitif dans le sensorimoteur, mais néanmoins, c'est évident que ce qui domine chez un bébé, c'est le sensorimoteur. Ce qui fait, et ce n'est pas le sujet du jour, mais ça pourra venir dans vos questions, qu'un bébé a irrépressiblement envie de mettre son doigt sur une tablette tactile quand il y en a autour de lui, que son grand frère ou ses parents l'utilisent, parce que cette gourmandise sensorimotrice fait partie de l'efficacité de son cerveau à ce moment-là. Donc, ou la construction de l'espace, des mouvements dans l'espace, de tout ce qui est coordination sensorimotrice. La deuxième grande courbe que vous voyez correspond au système pariétal, donc qui est sur le dessus du cerveau, la voie dorsale, et système plus ventral, qu'on appelle temporal, la voie ventrale. Ces deux grands systèmes maturent, mais tout au long de l'enfance. Donc ils deviennent peu à peu efficaces. Le temporal est impliqué, c'est l'un de vos sujets du jour, dans le langage, dans la catégorisation, la perception des visages, la catégorisation des objets. On appelle cette voie dans le cerveau ventral la voie du quoi. Quand on se pose la question de quoi, quelle couleur, quelle forme, n'importe quel autre critère de catégorisation, c'est la voie ventrale qui s'active. Je prends l'exemple des visages parce que c'est ce que l'enfant fait le mieux plus tôt et c'est sans doute là où, en termes de catégorisation, l'espèce humaine a la plus grande expertise. Tous les visages sont quand même différents et très rapidement, à une vitesse incroyable, quelques dizaines de millisecondes, on distingue un visage d'un autre si on l'a connu. C'est une forme de catégorisation, mais ça peut aller aussi sur catégorisation logique, tout autre type. Donc ça, c'est le temporal, la voie ventrale, qui en effet mature progressivement, ce qui est logique par rapport à ce qu'on observe, qu'en effet, peu à peu, l'enfant développe ses capacités. Souvenez-vous de l'architecture cognitive, le traitement qualitatif des objets. La voie dorsale, qui connaît aussi le même pattern de maturation, toujours cette courbe intermédiaire, donc dans le pariétal, c'est l'attention, et notamment l'attention visio-spatiale, la voie du coup. La voie du dessous, c'était le quoi, et la voie du dessus, c'est la voie du où dans notre cerveau. Quand on se dit où est un objet, devant, derrière, au-dessus, en dessous, comment on coordonne les points de vue dans l'espace, c'est la voie dorsale qui s'active, le cortex pariétal. Mais c'est aussi, et c'est ce qu'a découvert notamment en France Stanislas Dehaene et son équipe, c'est là que se construit le nombre, que se construit le traitement quantitatif. C'est pas. Alors c'est certain maintenant aujourd'hui que dans l'espèce humaine, c'est à travers l'espace et le cortex pariétal que se construit le nombre, et même en adulte, quand on fait un jugement mathématique. C'est pas aberrant. On peut bien comprendre que c'est quand même dans l'espace et à travers l'espace qu'à travers, pour le coup, la phylogénèse, le temps très long, on a peu à peu quantifié et construit la géométrie et d'autres aspects des mathématiques qui peuvent ensuite être exprimés par le langage. Mais le processus de développement et de création est très lié. Donc espace et nombre. Dans le cortex pariétal, et attention, pour la démonstration d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la toute dernière courbe, celle que je suis du doigt là, elle va, vous voyez, jusqu'à la fin de l'ontogenèse, jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte, et cette dernière courbe, c'est spécifiquement le cortex préfrontal. Ce fameux cortex qui permet au cerveau de se mettre en mode exécutif et d'inhiber ou d'activer heuristique et algorithme. Et c'est ce cortex-là qui est le moins efficace, et dont l'efficacité est la plus lente, la plus tardive, et restera toute la vie la plus fragile dans le cerveau humain. Donc vous comprenez que ces fonctions cognitives dont je commence à vous parler, d'inhibition des automatismes, doivent absolument être éduquées, encadrées, comprises, parce que c'est là où le cerveau est le moins bon, en quelque sorte, naturellement et génétiquement, parce que sa maturation est extrêmement lente. Donc en effet, le sensorimoteur marche très bien dès le début, mais ce n'est pas parce que l'enfant a une grande intelligence sensorimotrice, une grande habileté sur une tablette par exemple, qu'il raisonne, qu'il fait du contrôle cognitif, qu'il inhibe ses automatismes. Et cela vient beaucoup plus tard avec la maturation du cortex préfrontal. Donc rien que ces données, on va dire anatomiques, structurales, sur la quantité de matière grise qui se mesure, c'est un paramètre, nous donne une indication sur le fait que tout se joue à tous les âges dans le cerveau, ça dépend du système cérébral, et que ce qui se joue le plus tard, ce sont précisément ces processus de contrôle inhibiteur, qui pourrait ne pas être très important. On pourrait dire que c'est juste qui correspond à la capacité de ne pas être impulsif. Mais comme on découvre que ce contrôle inhibiteur est au cœur du développement de l'intelligence, pour l'objet, le nom, la catégorisation et le raisonnement, vous comprenez que ça devient à ce moment-là un indicateur clé central. Ce que vous voyez sur les images en couleur, c'est simplement que plus c'est bleu, violet, plus la matière grise diminue. Et donc, plus la région est efficace et mature parce qu'elle a appris à être fonctionnelle. Et que ce sont les régions vraiment préfrontales qui, le plus tard, diminuent. Ça doit vous rappeler quelque chose. L'exemple qu'on avait vu fonctionnel, c'est-à-dire que l'apprentissage consistait à peu à peu utiliser son cortex préfrontal dans une microgenèse. Eh bien, on retrouve cette même logique développementale pour la maturation au cours de l'ontogenèse, c'est le cortex préfrontal qui, le plus tard, est efficace et est utilisé. Trois exemples. Objet, j'ai choisi objet, nombre et raisonnement, donc la catégorisation qui vous intéresse, je sais, je pourrais la reprendre de mémoire. L'objet. Pour rappel, la façon dont a été découverte la notion de permanence de l'objet chez bébé au cours de sa première année par Piaget est la suivante. Piaget, jeune professeur, revenait de l'université de Genève et sur son canapé jouait avec son bébé, Laurent, et Piaget prenait sa montre. Il y avait un psychologue expérimental qui disposait discrètement de coussins qui étaient équidistants pour le bébé, donc les contraintes motrices de recherche de l'objet disparu, la montre seront identiques. Et Piaget cachait, par exemple, sa montre sous l'écran A, le premier coussin. Il le faisait chaque jour, parce qu'il était déterminé. Au départ, Piaget remarquait que son bébé n'allait pas rechercher l'objet, il n'avait pas encore la notion permanente de l'objet. Vers 8 mois, progrès, le bébé va rechercher l'objet derrière l'écran A, le premier coussin. Alors, Piaget, content de cette acquisition, pousse plus loin l'investigation et prend la montre et va la cacher sous l'autre coussin. Et, surprise, découverte, il a répété pendant 4 mois, parce que cette première erreur, ce sera notre premier exemple d'erreur, va durer 4 mois dans la vie d'un bébé, c'est très long, c'est-à-dire de 8 mois à 12 mois, par rapport à la première année de la vie, c'est-à-dire une grande période d'erreur. Le bébé, même s'il a vu sous ses yeux que l'objet était caché sous B, le deuxième écran, le bébé va continuer d'aller rechercher l'objet derrière A. C'est ce qu'on appelle l'erreur annoncée. Piaget qui reste, bon, vous comprenez pourquoi un nom B, hein, parce qu'il va rechercher derrière A alors qu'il sait que l'objet est derrière B. Piaget prenait cet exemple pour dire, voyez-vous, cette erreur de l'enfant, elle veut dire que l'enfant n'a pas encore la notion, l'algorithme de permanence de l'objet, et qu'il l'aura acquise à sa première année. En l'occurrence ici, l'idée de se dire que l'objet conserve sa permanence à travers ses déplacements dans l'espace, c'est-à-dire de A vers B. Après Piaget, je vous dis simplement le résultat sans entrer dans le détail de l'expérience, d'autres chercheurs utilisant non pas la motricité, mais un autre aspect de l'intelligence sensorimotrice, les réactions visuelles et de surprise visuelle du bébé, ont découvert que dès 4-5 mois, les bébés sont surpris quand dans un dispositif, la permanence d'un objet derrière un écran en rotation, par exemple, n'est pas respectée, est transgressée. Les bébés sont surpris de cela. Donc ils ont déjà la notion. Ils ont déjà la notion d'une permanence d'un objet solide, même lorsqu'ils disparaissent de leur perception immédiate. Là, vous avez le premier paradoxe par rapport au statut de l'erreur. Comment se fait-il qu'alors que le bébé a la notion de permanence de l'objet dès 4-5 mois, il ne l'utilise pas dans une autre situation, celle que Piaget a créée, mais qui était censée tester la même notion de permanence de l'objet. Alors, beaucoup de chercheurs, dont Adèle Diamond au Canada et bien d'autres, ont exploré ce qui se passait dans le cerveau du bébé avec des dispositifs d'enregistrement adaptés. Et ce qui est directement corrélé à la disparition de l'erreur annoncée, c'est l'activation du cortex préfrontal et notamment de sa partie impliquée dans l'inhibition. Et l'inhibition qui est utile ici, c'est une inhibition motrice. Si on faisait un atelier tout à fait collectif et qu'on disait, mais c'est quoi l'heuristique là ? Je vais le faire avec vous. L'heuristique, dans ce cas-là, c'est une heuristique motrice, mais vous allez voir qu'elle est plus que motrice. C'est le geste pré-programmé vers A. Avant toute action, il y a une pré-programmation cognitive. Donc c'est l'intention d'agir. Donc l'heuristique que l'enfant ne parvient pas à inhiber, donc qu'il doit mettre dans la zone d'inhibition, sous les hachures en quelque sorte, dans son filtre sélectif interne mental, c'est le geste pré-programmé vers A. Et s'il n'inhibe pas le geste préprogrammé vers A, ben, il va aller rechercher l'objet derrière A, même quand il l'a vu disparaître derrière B. Pourquoi cette heuristique existe-t-elle ? Parce que, c'est déjà cognitif, le bébé a l'habitude déjà dans son parc, dans les, l'environnement proche, d'avoir tendance à retrouver les objets là où ils sont d'habitude. Et on ordonne aussi ainsi l'environnement pour le bébé. Donc il crée déjà dans sa recherche d'objets disparus dans son environnement proche un lien, mais qu'il faut dans ce cas intrinsèque entre l'objet et sa localisation, ce qu'on appelle l'heuristique d'emplacement de l'objet. De la même façon, si on porte un bébé qu'on va systématiquement chercher les gâteaux qu'il aime bien dans la même armoire de la cuisine, ça entraîne cette heuristique. Donc l'heuristique du geste préprogrammé vers A est aussi cognitive. On l'utilise toujours, nous adultes, ce n'est pas seulement un stade chez le bébé, il vous arrive à tous de faire des erreurs randonnées, d'aller rechercher un objet là où vous savez qu'il n'est pas, mais vous dites « je vais quand même voir », ou de façon vraiment obsessionnelle. Donc les erreurs randonnées, elles réapparaissent très facilement, très rapidement. C'est une heuristique et on a raison d'aller quand même rechercher les objets là où ils sont rangés d'habitude. Pour réussir, on sait donc aujourd'hui que le bébé, et je crois que vous avez déjà mis le oui, que le bébé doit déjà utiliser ce triple système, il y a beaucoup de données détaillées. L'heuristique, c'est le geste préprogrammé vers A. L'algorithme, c'est le geste programmé vers B. C'est juste l'autre mouvement que le bébé peut faire, mais l'un est intelligent, entre guillemets, l'autre ne l'est pas. Au sens de l'adaptation, son but, c'est de retrouver l'objet. Le geste programmé vers B, il est habité par l'algorithme de permanence de l'objet. Pourquoi ? Parce que si le bébé va rechercher l'objet vers B, ça veut dire qu'il raisonne implicitement selon lequel l'objet conserve sa permanence, comme je vous le disais, de A vers B à travers ses déplacements dans l'espace. Mais il ne le fait pas naturellement. Il fait cette erreur pendant 4 mois parce que c'est le moment où commence seulement de maturer son cortex préfrontal. Ici, on revient aux courbes que je vous montrais, et que vous descendez ici sur les abscisses, on est à 12 mois, parce qu'au départ, c'est très découpé. Ce sont les mois, et puis ça devient les années, parce que la maturation perdure, mais elle est en effet extrêmement rapide au cours des premiers mois. Vous voyez que le préfrontal commence à diminuer. Ça veut dire que si la matière grise diminue dans le préfrontal, le bébé devient efficace en termes d'inhibition qu'il exprime, parce qu'il y a son intelligence dominante, sensorimotrice. Donc, lorsque le bébé mettra en marche ce cortex préfrontal, et donc, je reviens à la diapo précédente, son système inhibiteur, il pourra inhiber le geste vers A, c'est pas inhiber le geste. On voit quelquefois que le bébé commence le geste et puis l'arrête. Donc là, on voit l'inhibition en acte. Mais il peut aussi inhiber l'ébauche motrice avant de répondre pour activer le geste vers B. Et là, vous avez déjà de la flexibilité, de la vicariance. Et c'est être vicariant, mais très vicariant, que d'aller rechercher l'objet derrière B, alors qu'habituellement, on l'a recherché derrière A. Cet exemple est important parce que vous voyez donc que dès la brique de base de la construction du développement cognitif, sur lequel tout le reste va s'échafauder, catégorisation, nombre, raisonnement, déjà là, ces trois systèmes coexistent et c'est comme ça que l'on peut comprendre et expliquer la logique, comme vous disiez dans l'introduction, la logique des erreurs du bébé. Donc ce n'est déjà pas là la permanence de l'objet qui lui manque entre 8 mois et 12 mois, c'est la capacité d'inhiber une heuristique cognitivo-motrice pour activer l'algorithme de permanence de l'objet. Si l'on poursuit, donc avant le développement, avant 2 ans, pardon, ça veut dire que l'enfant apprend déjà à résister. L'enfant doit déjà être un résistant cognitif pour des tas d'autres exemples. Là, je vous en donne un pour la compréhension, qui est classique. Mais ça veut dire que dans tous les domaines d'exploration du bébé, avant 2 ans, il y a déjà beaucoup d'heuristiques et d'algorithmes qui entrent en compétition. Pour avoir des termes clés de définition, qu'on reprendra après pour le nombre et le raisonnement, mais qui valent déjà pour cet exemple de l'erreur randonnée, le cortex préfrontal, lorsqu'il commence à se mettre en marche, et que par exemple l'erreur randonnée disparaît un an, correspond au contrôle de l'exécution des conduites, donc là c'est vraiment la définition, contrôle de l'exécution des conduites, le choix des stratégies, la prise de décision. On va voir tout à l'heure que c'est vrai chez un polytechnicien qui résout des problèmes de logique déductive, mais c'est déjà vrai chez le bébé entre 8 mois et 12 mois qui doit prendre une décision entre aller chercher l'objet derrière un coussin, derrière l'autre. Et ce sont des mécanismes de même nature entre ces deux situations. Donc le cortex préfrontal permet cela, donc l'inhibition, résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, distractions ou interférences, et ça restera vrai dans tout le développement, pour toutes les notions. Cette inhibition, si on la déclenche, ce qui est le plus difficile, délicat, permet la flexibilité, le switching, c'est-à-dire s'ajuster au changement, faire de l'inhibition puis de l'activation, C'est ça, la vicariance et la flexibilité, mais il n'y a pas de vicariance sans inhibition préalable. Sinon, c'est l'heuristique qui passe. Par exemple, on recherche l'objet derrière pas et on fait l'erreur inventée. Et le tout s'opère en mémoire de travail, c'est-à-dire la partie du cerveau qui, dans une tâche donnée, va être influencée par la perception, ce qu'on observe, la consigne que l'on entend, le but de la tâche, l'émotion. On ne travaille pas avec toute notre mémoire permanente, on travaille avec une partie de la mémoire. Ici, la mémoire, c'est se souvenir que l'objet a disparu derrière B et pas derrière A. Mais si, en mémoire de travail, chez le bébé, domine le geste préprogrammé vers A, mais c'est cette préprogrammation motrice qui va dominer la mémoire. Et si le bébé, en amont, ne limite pas en mémoire de travail, il ira rechercher l'objet derrière A et non derrière B, et il fera l'erreur. Donc déjà là, on trouve l'ensemble de cette dynamique dans la première forme d'intelligence du bébé, qui est la permanence de l'objet. Donc c'est comme en fractal. Vous voyez qu'au cœur de la première brique de base de l'intelligence, on a ce triple système et ce processus inhibiteur. Si on passe au nombre, maintenant que tout est clair pour vous, on va sauter, parcourir toute l'architecture cognitive. Le nombre, on a dit traitement quantitatif du réel. Là, de la même façon, pour les enfants de 7-8 ans, Piaget avait conçu, et pour les enfants de maternelle, une tâche très connue qui a fait le tour du monde, qu'on appelle la conservation du nombre, qui sera ici l'algorithme, l'algorithme correspondra à cela. Piaget montrait aux enfants deux alignements de jetons au-dessus et en dessous d'une ligne et leur demandait est-ce qu'il y en a pareil, est-ce qu'il y en a le même nombre. Donc là, on va solliciter un jugement quantitatif. Si on faisait une tâche d'inclusion des classes, qui est un homologue dans le domaine de la catégorisation, on demanderait un traitement qualitatif. Ici, on est bien dans le quantitatif. On n'est plus seulement dans la permanence de l'objet, comme l'exemple précédent. Il y a plusieurs objets, uniques et permanents, des jetons, et on va demander un traitement quantitatif. Tous les enfants des classes maternelles réussissent le premier item, c'est-à-dire parviennent à dire qu'il y en a pareil, il y en a le même nombre. C'est ce qu'on appelle le constat d'égalité. Mais si, sous les yeux de l'enfant, vous déplacez l'un des deux alignements en écartant les jetons, et comme vous allez voir, on a repris, on a pu, et je suis content d'être les premiers au monde à faire ça, repris une tâche de Piaget comme celle-là, emblématique, dans l'IRM pour voir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il se trompe et surtout quand il corrige son erreur, on l'a programmé sur ordinateur. Donc il y a aussi un programme, puisque toutes ces expériences d'imagerie cérébrale doivent être des mesures très informatisées, donc on doit reconstruire toutes ces tâches sur ordinateur, et le programme écarte les jetons. Mais le bébé, l'enfant se trouve exactement dans la même situation, il fait d'ailleurs les mêmes erreurs que celles que Piaget observait. Et donc les enfants, jusqu'à 7-8 ans, disent, quand on leur repose à nouveau la question du jugement quantitatif, ah ben non, là il n'y en a plus pareil. On demande à l'enfant pourquoi, et la majorité des enfants pointent et disent, ben tu vois bien, là il y en a plus parce que c'est plus long. Déduction de Piaget, l'enfant n'était pas encore au stade opératoire concret, n'avait pas encore la logique du nombre. Selon Piaget, l'enfant était au stade 2, préopératoire, où il disait que l'enfant n'est pas encore conservant, il n'a pas la logique. Piaget disait aussi que le cerveau de l'enfant est prisonnier de ses intuitions perceptives. C'était un stade qui était appelé intuitif, avec même toute une subdivision des intuitions. Donc pour Piaget, l'enfant était fondamentalement intuitif. Et l'erreur, finalement, qu'on appelle l'erreur ici de conservation du nombre, révélait ce cerveau intuitif, ce cerveau très visio-spatial, où la logique du nombre n'était pas encore construite. Dans ce... Alors je regarde ce que je vous ai préparé pour... Donc simplement, puisque vous avez déjà à l'esprit le modèle heuristique algorithme inhibition, l'heuristique dans ce cas-là, et on verra d'où elle vient, c'est longueur également. Et on a tous une heuristique selon laquelle, en général, très souvent, la longueur est égale au nombre. Et vous allez voir qu'on apprend d'ailleurs cela aux enfants dans les livres de maths pour petits ou sur les tableaux qui sont dans les classes. L'algorithme, c'est le comptage, par exemple. Si l'on compte, ça prend un peu plus de temps. C'est analytique. Mais si on compte les jetons et qu'on fait un double comptage, on dira qu'il y en a 7 et 7, et nécessairement 7 et 7, c'est égal. Donc c'est ça l'algorithme, ça prend un peu plus de temps, il faut réfléchir, c'est analytique, mais ça conduit toujours et nécessairement au bon résultat. Et l'heuristique, c'est simplement se fier au cadre visio-spatial, à la longueur, pour très vite dire qu'il y en a plus là où c'est plus long. Pourquoi cette interprétation et cette étape clé, modèle de l'intelligence de nos Piaget, a été volé en éclat, en quelque sorte, et qu'on l'a remise en question, d'abord parce qu'il y a déjà très tôt, beaucoup plus tôt, chez le bébé, et vous retrouvez le modèle dynamique et non linéaire, des compétences numériques précoces, et donc les algorithmes mathématiques ou proto-mathématiques qui seraient nécessaires à réussir la tâche Piaget-Simmel. Vous voyez ici, sans rentrer dans le détail, les dispositifs visuels qui sont présentés au bébé de quelques mois, où on fait varier le nombre et ou la longueur, en dissociant bien les variables, et où des surprises de réaction visuelle du bébé ont été observées spécifiquement quand le nombre était changé, mais pas quand la longueur était changée à nombre égal. Donc très tôt, au niveau visuel, les bébés manifestent les prémices de cet algorithme qu'on appelle l'invariance du nombre par rapport à la longueur. Bien sûr, c'est tentant de se dire que l'enfant n'a pas cet algorithme jusqu'à 7 ans parce qu'il fait l'erreur de conservation du nombre. Et entendons-nous bien, les erreurs que Piaget a observées, on les observe toujours aujourd'hui en 2016. C'est là où Piaget est un exceptionnel psychologue. Il a vraiment découvert des erreurs. Simplement, aujourd'hui, le modèle de l'interprétation est complètement différent. Déjà parce que les bébés ont des compétences précoces et cet algorithme, en plus avec les années de développement qui suivront, le langage, etc., cet algorithme devrait être utilisé dans la tâche de Piaget. Or, il ne l'est pas. D'autres exemples, pour que vous ayez le panel de ce qu'on appelle les compétences numériques ou mathématiques précoces, dès 4-5 mois, des dispositifs ont révélé la capacité des bébés à détecter des erreurs de calcul dans des opérations arithmétiques élémentaires, addition et soustraction, au niveau visuel, opérations qu'on apprend laborieusement à l'école maternelle et primaire. Il faut savoir que si on le teste au niveau visuel, très très tôt, les bébés manifestent ces capacités arithmétiques et des observations de leur cerveau montrent qu'une des régions connues chez le bébé comme chez nous, pour détecter les erreurs, les transgressions dans l'environnement, s'active lorsqu'on présente au bébé des événements numériques qui sont faux, en quelque sorte. Ça se fait dans un théâtre avec des objets qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, si vous connaissez un peu cette expérience, notez bien que lorsque le Mickey, par exemple, nous l'avons refait avec des babas, c'est la même chose, disparaît derrière l'écran du théâtre, ça présuppose la permanence de l'objet. Et lorsque l'objet, donc la permanence du Mickey derrière l'écran en rotation, lorsque l'objet disparaît, ben, il y a une main, il y a un jeu dans le théâtre qui ajoute une marionnette ou en enlève une, et le bébé ne voit pas le résultat, mais il voit l'opération. Et lorsque l'écran s'abaisse, soit le résultat est correct, par exemple 1 plus 1 égale 2, ou incorrect, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 3. Et la surprise visuelle du bébé, puisqu'il ne parle pas encore, est mesurée, et il y a une détection extrêmement fine des erreurs de calcul et extrêmement exacte en termes de nombre d'essais. Des recherches encore plus récentes ont démontré, il y a très peu de temps, que les bébés font aussi des statistiques, c'est ce qui est appelé le bébé bayésien. C'est-à-dire que les bébés affairent, avant même d'avoir acquis le langage, la probabilité des causes à partir des effets observés. Ici, vous voyez des tirages de balles de ping-pong rouges et blanches. Je vous indique simplement que différentes conditions expérimentales sont créées, dans ces deux colonnes que vous avez là, et quand la boîte où sont sortis des objets par tirage, c'est comme en statistique des tirages, par hasard, soit la boîte ne correspond pas au tirage, du point de vue de la population d'origine, soit elle y correspond, en l'occurrence, beaucoup de balles rouges par rapport au nombre de balles blanches. Les bébés sont surpris, détectent l'incohérence qu'il peut y avoir entre l'échantillon et la population statistique, très tôt. Donc ce qui fait dire, il y a des tas d'exemples aussi sur les sons, par exemple, que très tôt, et ça paraît logique une fois qu'on a démontré scientifiquement, mais les bébés ne s'occupent pas seulement de ce qu'ils voient, de ce qu'on leur montre, ne sont pas seulement dans le concret qu'on aurait dit Piaget, les bébés déjà infèrent des structures statistiques probabilistes qui pourraient expliquer la présence de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils pourraient voir. Donc ils ont des attentes, des inférences. Et le raisonnement dont je parlais tout à l'heure débute là. C'est le début des inférences. Et dans l'exemple que je vous donne, puisqu'on est dans l'exemple du nombre, très quantitatives et qui sont aussi statistiques probabilistes. Et c'est par ces détections de régularité, d'inférences de structures possibles que le bébé corrigera, hein, si justement le réel ne le confirme pas, que le bébé apprend déjà à raisonner. Bref. Je ne vous ai pas tout présenté, tout un catalogue de compétences proto-mathématiques dont l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur, qui était le premier exemple, est déjà dans la tête, en quelque sorte dans le cerveau, de l'enfant qui va se tromper 4, 5, 6, 7 ans plus tard dans la tâche de conservation du nombre de Piaget en disant « il y en a plus ici parce que c'est plus long ». Donc vous comprenez que là aussi, le paradoxe est énorme et flagrant, on ne peut plus tenir la théorie de Piaget sur ce point, et nous avons pu lever ce paradoxe avec un niveau dans un domaine plus complexe de triple système. Et c'est là où il va vous paraître évident d'où vient l'heuristique. Et ça va me permettre d'introduire que l'heuristique, qui dans ce cas-là est la source de l'erreur, est quelque chose de culturel, qui est construit par l'école, y compris construit par l'environnement pédagogique d'apprentissage explicite. Donc, Et Piaget, on pensait que les intuitions, les heuristiques étaient les premiers stades et qu'ensuite venaient les algorithmes logiques. Dans un système dynamique non linéaire, on peut avoir ce cas de figure-là. Mais on a aussi très souvent l'inverse. C'est que les algorithmes sont très précoces, les notions, les concepts, et ce sont les heuristiques qui apparaissent après dans le développement parce que la culture, l'environnement a construit des régularités qui font que ces automatismes existent et qu'ils n'existaient pas avant. Et ça, ça vous permet de comprendre qu'un bébé peut avoir des compétences précoces, mais qu'on ait aussi des erreurs systématiques, tardives pour des notions équivalentes plus tard, voire toute la vie. C'est pourquoi on travaille sur les décisions absurdes, les erreurs de décision, y compris, par exemple, je vous disais, les polytechniciens ou tout autre type de décideurs dont la logique ne garantit pas le comportement logique. D'où vient l'heuristique longueur égale longue? Vous avez l'image par le Deadman. J'ai repris, on a fait toute une analyse de littérature enfantine, ce qu'on appelle les livres de maths pour petits. Et comme avec toute mon équipe, nous allons pas quotidiennement, mais enfin plusieurs fois par semaine et par mois dans les écoles, on voit évidemment ce qu'il y a dans l'environnement, on va dire l'écologie pédagogique, ce qu'il y a sur les murs des classes. Et pour ceux d'entre vous qui sont en maternelle, vous savez très bien qu'il y a très souvent sur le mur des séries de fruits, des séries d'animaux en général, dessinés ou on colle des petites images, et où, comme celle-ci, on apprend explicitement la suite des nombres de 1 à 10. Vous voyez que là, on est un peu plus tard, donc ça va être le nombre, non pas à travers la vision, mais à travers le langage, ce qu'on appelle le nombre dans le langage. Donc l'apprentissage explicite, c'est la suite des nombres, mais vous comprenez qu'avec ce dispositif visuel et didactique, le cerveau du bébé n'apprend pas seulement la suite des nombres, il détecte aussi une régularité qui saute aux yeux, longueur est égale à nombre. Et de plus, l'artiste avait dessiné sur cette page du livre cette échelle avec le petit rongeur qui l'a gravi, et sans être mathématicien spécialisé, tout le monde se dit que c'est une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur. Ça dessine la fonction. C'est-à-dire que plus l'échelle est penchée, plus l'espace occupé est grand et plus le nombre l'est aussi. Donc vous voyez que subrepticement, sans doute que l'illustrateur le sache, et là on est dans l'inconscient cognitif comme Freud était dans l'inconscient affectif, subrepticement, le dessinateur, le professeur qui explique, l'enfant, va inconsciemment construire une heuristique très forte qui sera aussi forte que l'apprentissage explicite du nombre dans le langage. Et cette heuristique, dans ce cas-là, c'est longueur est égale à nombre. Si l'enfant va au supermarché, ou ses parents, et nous aussi, c'est comme l'erreur annoncée, c'est pas un stade qui a disparu, c'est une stratégie heuristique qui existe toujours. Au supermarché, sur un rayon, à type de produits égaux, on ne doute pas, là où c'est plus long, il en reste plus. Et je pourrais décliner les exemples, vous l'imaginez, les arbres le long d'une route régulièrement plantés, on fait l'hypothèse qu'il y en a soit exactement, soit à peu près les mêmes de chaque côté. Donc partout dans l'environnement perceptif, culturel, littéraire, sur les écrans aussi, dans les jeux éducatifs qu'on est en train d'analyser, il y a des régularités ainsi implicites, dont on croit qu'elles n'ont pas d'importance, que c'est juste de la déco, on va dire, pédagogique. Or, elles alimentent ce système heuristique que par ailleurs le cortex préfrontal qui n'est pas encore mature ne parvient pas à imiter. Et ce sont les sources des erreurs, et surtout des erreurs que l'on ne comprend pas. Et donc vous imaginez maintenant bien que cette petite fille qui doit avoir 4-5 ans, va, par exemple, ces trois bavards écartés, ici les mêmes trois bavards sont resserrés, dire, mais avec vraiment conviction, qu'il y en a plus là parce que c'est plus long. Cette même petite fille bébé aurait réussi l'invariance du nombre par rapport à la longueur dans le dispositif que je vous ai montré antérieurement. Mais une difficulté nouvelle s'impose à son cerveau, c'est que par ailleurs, je reviens à un diapo précédent, on lui apprend et elle apprend, ou s'est exposée, disons, c'est plus implicite, sur le mur de la classe, longueur est égale à nombre. Son cerveau le détecte. Et s'il y avait une définition du cerveau humain essentielle, c'est que notre cerveau, à tous les âges, est un grand détecteur de régularité. C'est ça l'aspect statistique du cerveau du bébé dont je parlais. Et évidemment, on détecte des régularités. Et même si l'apprentissage se focalise sur une ou deux régularités, on détecte toutes les autres. Et donc c'est cela qui vous fait comprendre que les heuristiques se construisent, et elles peuvent se construire tard et parfois après l'algorithme. Et c'est aussi pour ça que le développement est dynamique et non linéaire. Donc là, vous avez ce second exemple, à nouveau, une heuristique qui est longueur également, tout comme la préprogrammation de l'objet vers A était l'heuristique chez le bébé pour la permanence de l'objet, un algorithme qui peut avoir plusieurs formes. Enfin, la plus évidente, c'est le comptage. Quand l'enfant compte, ça prend plus de temps, mais il réussit. Et tout en ayant l'algorithme, la conception, simplement dans le jugement, de l'invariance du nombre par rapport à la longueur, dont on sait qu'elle existe plutôt, et encore chez... Ils ne disparaissent pas, les algorithmes, simplement... Ils sont court-circuités par des heuristiques. Vous comprenez que la clé de l'intelligence, dans ce cas-là, pour la petite fille face aux alignements plus ou moins interprets, c'est de mettre en marche le cortex préfrontal pour interrompre l'heuristique longueur également et activer l'algorithme de comptage ou de quantification exacte. Ça reste toujours du développement mathématique, mais interprété différemment d'une logique du stade où l'erreur serait nécessairement le défaut d'algorithme. Psychologiquement, c'est plus subtil. Donc l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est typiquement ce qu'il y avait dans le cercle rouge que je vous montrais depuis le début, si ça peut vous dire de quoi il s'agissait. La double flèche bleue, qui est donc l'inhibition et l'activation, caractérise le fait que très tôt dans les âges, là on est chez le bébé, là où est mon doigt, il y a des compétences proto-mathématiques déjà très fréquentes, très activées, comme tous les exemples que je vous ai montrés. La variance du nombre par rapport à la longueur, opération arithmétique élémentaire, statistique. Donc on peut montrer dans des contextes optimaux que les bébés sont déjà beaucoup plus fins et subtils qu'on l'imaginait cognitivement dans ces situations. Ça n'empêche que ces mêmes algorithmes ne vont pas être activés ou très peu activés plus tard, parce qu'en parallèle, c'est construit et suractivé une heuristique comme longueur égale nombre. Sur la courbe que j'ai sous le doigt, c'est longueur égale nombre. Et elle va dominer dans l'usage fréquent de l'enfant, et donc dans la microgenèse où on va lui faire ce test de conservation du nombre, c'est l'heuristique qui domine. Vous comprenez que la force cognitive, l'intelligence qui est nécessaire dans cette tâche, c'est d'inhiber l'heuristique, c'est-à-dire de diminuer son activation naturelle, spontanée, pour activer l'algorithme qui existe, mais qui n'est pas activé. Donc ce n'est pas simplement compter, l'enfant sait compter. C'est activer l'algorithme de comptage après avoir inhibé l'heuristique longueur égale nombre, qui par définition va plus vite. Donc là aussi, le développement n'est pas linéaire et par stade. Vous voyez qu'il faut prendre cette approche dynamique et non linéaire pour comprendre le statut de l'erreur. Pour que vous voyez un exemple concret de la façon dont nous avons exploré cela chez les enfants, tout le groupe d'enfants que vous voyez sous les yeux, de maternelle à la fin de CM1, CM2, ont tous passé une IRM, ont tous réalisé ce projet. Pour la plupart, sont aujourd'hui des adolescents, donc on les a revus plus grands, parce que vous allez voir que la façon dont on les prépare leur donne envie de revenir. Et donc ils veulent revenir, mais on ne peut pas faire des IRM tous les jours, ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je vous dis ça parce que généralement, vous allez comprendre pourquoi, on dit bon, comment pouvez-vous faire des IRM avec des enfants, de surcroît ils ne sont pas malades, quel est l'intérêt, est-ce qu'ils auront envie, est-ce que ça ne va pas les traumatiser. Donc évidemment, ce sont des questions légitimes, mais vous allez voir que tout notre travail, c'est faire que ça se passe bien, ça les passionne, ça soit ludico-scientifique. Donc tous ces enfants ont participé à ce projet, et là nous faisons la restitution un peu comme ici, l'UFM, à ce moment-là encore, l'ESPE, donc, de Caen, Basse-Normandie, où tous les enfants venaient sur la scène, comme vous les imaginez ici même, et en face étaient les professeurs des écoles, les directeurs d'établissement, la rectrice, M. Notia, qui était rectrice à ce moment-là en Normandie, les inspecteurs d'académie, vraiment, on travaille en partenariat avec l'éducation nationale. Alors, il est vrai que c'est mon premier métier d'instituteur qui me fait... considérer que c'est absolument indispensable, nécessaire, et que ça marche beaucoup mieux si c'est un vrai partenariat pédagogique avec l'éducation nationale et sans passer uniquement directement par les parents, ce qui peut se faire aussi en neurosciences. Et donc ça marche très bien, c'est très riche, et ça permet aussi des tas de développement à l'école autour de ce projet tout à fait expérimental et scientifique. Donc je montre cette image parce que quand on verra après des images de cerveau très scientifiques, on oublie souvent qu'il y a vraiment des humains derrière, qui a en l'occurrence des enfants et des enfants des écoles qui ont prêté leur cerveau à la science. Et que ces sciences aujourd'hui très neuroscientifiques, très biologiques, sont avant tout des sciences humaines et sociales. C'est vraiment cela qu'il faut garder à l'esprit. Alors, est-ce que je continue sur ce que moi je n'ai, ça va très bien, mais vous voulez une petite pause ou... D'accord, très bien, on poursuit. Toutes les recherches qui cette fois ont utilisé l'imagerie cérébrale. Parce que je vous parle du cerveau depuis le début, mais il faut se donner les moyens justement de montrer qu'il y a plusieurs stratégies, donc plusieurs réseaux neuronaux, que le cortex préfrontal doit être impliqué pour inhiber l'heuristique à tel moment, etc. Pour faire tout cela, nos projets sont examinés en amont par des comités d'éthique. C'est extrêmement bien réglementé en France. Il y a des comités de protection des personnes locaux, vraiment région par région. Comme cette expérience-là fut faite en Basse-Normandie, c'était le comité de protection des personnes d'influence mineure, parce qu'il s'agit d'enfants de Basse-Normandie. Donc nous devons remettre un dossier administratif et scientifique très, très conséquent, hein, 40 pages plus des tas d'annexes, et il y a tout un groupe d'une vingtaine de personnes, des scientifiques, des juristes, des parents, des gens de la société civile, il y a aussi par exemple des religieux, donc tout un groupe qui expertise notre travail, qui nous demande, en général, l'audition n'est pas obligatoire, mais comme ils sont curieux, hein, c'était les toutes premières recherches chez l'enfant, sain des écoles, on dit sain parce que dans ce domaine biomédical, en général, les technologies d'imagerie sont utilisées pour les enfants malades. Donc ça rentre dans la catégorie, les enfants en général, ça rentre dans la catégorie de sain, simplement qu'il n'y a pas de maladie particulière. C'est les enfants tout venant des écoles, avec leurs petites difficultés, leurs problèmes. Donc, ils sont très curieux, donc ils nous demandent en général, ils nous auditionnent et on présente la façon dont on travaille. Ils nous demandent des corrections, il y a des navettes, et au final, on reçoit l'autorisation. Et lorsqu'on a l'autorisation, c'est encore examiné par le ministère de la Santé, qui va nous donner un numéro. Et ce numéro, c'est le numéro d'expérimentation. Et quand on a passé toutes ces étapes, on fait les recherches comme celles que je vais vous présenter. Il faut d'abord un modèle théorique, une question scientifique très précise, et après construire tout le dispositif juridique, pratique, partenariat avec l'éducation nationale, convention, pour réaliser cela. Donc, c'est énorme le travail. Beaucoup de neurosciences travaillent sur l'animal, par exemple, sur le rat. Bon, ça ne nécessite pas, vous l'imaginez, alors que ça pourrait, mais ça ne nécessite pas toutes les démarches que l'on fait là. Or, on voit des belles images aussi dans ce cas-là. Donc, derrière les images que je vous présentais, il y a tout ce travail que font merveilleusement mes collègues, et c'est aussi tout un aspect très clinique et pratique de la psychologie. L'un de ces aspects, c'est l'information donnée aux enfants. C'est le premier aspect. Ça fait partie des droits internationaux des enfants, ils doivent être informés de tout ce qui les concerne. Eh bien, nous avons dessiné un grand poster, comme celui que vous avez sous les yeux, dont j'ai également fait des livrets, des albums, il y a aussi des mini-posters. Ce que l'on doit apprendre aux enfants, imaginez que vous êtes une classe d'école maternelle, ou plus grand, hein, j'ai fait des dessins qui étaient multi-âge, c'est justement pour qu'on puisse l'utiliser dans tout le groupe, en l'occurrence c'était de la grande section au CM2. Imaginons qu'on soit en grande section de maternelle, les enfants sont réunis sur un tapis avec le prof, on a ce poster-là dessiné sur le mur, il est plus joli parce que là les couleurs sont un peu altérées, donc sur des belles couleurs, très vives, sur du papier brillant, cartonné. Et ce qu'on doit introduire comme notion, vous, puisque nous partageons le fait d'être instituteur ou professeur des écoles, c'est la technologie, bien sûr, parce qu'au final l'enfant va rentrer dans une IRM, donc il faut lui expliquer cette technologie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer à l'intérieur de son corps, puisque c'est une mesure qui va venir de son cerveau, et qu'il va être entouré de professionnels de la mesure. Parce que quand il ira au laboratoire le mercredi, une demi-journée, il va y avoir une dizaine de personnes autour de lui, des médecins, des biologistes, des psychologues, des manip radio, c'est les personnes vraiment qui font les imageries, et il faut expliquer à l'enfant pourquoi tous ces gens vont être là, s'intéressent à son cerveau, alors que l'enfant va très bien. Donc toutes ces choses-là, il faut peu à peu les expliquer. Et dans ce dessin, vous avez tout ça. Premièrement, la mesure. Mais pour expliquer à un enfant la mesure, le meilleur moyen, c'est la taille. Puisque tous les enfants se soucient de « est-ce que j'ai pris un demi-centimètre ?»« Ah, je mesure exactement ceci, monsieur. » Ou « je remesure la semaine prochaine. » On met un petit trait dans la classe ou sur le mur à la maison. Donc, la façon de faire comprendre aux enfants la mesure, il y en a peut-être d'autres, mais celle que nous avons choisie, c'est la taille. Alors, ça permet aussi de montrer à l'enfant que si se mesure avec un mètre ruban, et qu'il l'aura fait deux, trois fois, qu'un copain, par exemple, ben, il n'aura quasiment jamais la même mesure. Donc, on va introduire la notion de nécessité d'instruments de mesure. Ils ont en général eu, je pense que c'est votre cas aussi, une visite médicale dès la grande section de maternelle. S'ils n'en ont pas eu, on explique comment ça se passe. Mais en général, ils ont déjà rencontré un instrument de mesure comme une toise. Donc, on introduit cette idée d'instrument de mesure qui, lui, va permettre d'avoir une mesure exacte de son corps, en l'occurrence de la hauteur. Et qu'il y a des professionnels de la mesure qui vont l'aider à mesurer sa taille. Après, on va introduire l'idée qu'on va en fait faire une mesure, une observation à l'intérieur du corps. C'est l'étape 2, la radio. On a pris ce que les enfants sont le plus susceptibles de connaître ou de déjà avoir vu avec un squelette. Ils aiment bien, ça les fait rigoler, ça leur fait peur. Ils disent « Oh, ça va faire mal !» Certains enfants disent quand ils voient cela. Parce qu'ils savent qu'on fait une radio quand on a eu mal, on s'est cassé la jambe, on est malade. On dit non. Et là, nous introduisons la notion éthique d'indolore. On n'utilise pas ce mot, mais on explique cela à l'enfant. L'IRM est une technique indolore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piqûre, ça ne fait pas du tout mal, ça fait beaucoup de bruit, on le verra, il faut entraîner les enfants en bruit, mais c'est une technique indolore. Et en général, cette notion d'indolore, qui est délicate au niveau éthique, on l'introduit ici parce que ça vient dans les remarques des enfants. Troisième étape, le cerveau. vieux enfants, mais qu'est-ce que tu as dans ta tête? Beaucoup d'enfants aujourd'hui disent le cerveau, parce qu'il y a des tas d'émissions, de magazines sur le cerveau. Est-ce que tout le monde a un cerveau? Il y a une discussion. Alors j'œuvre pour qu'après quelques temps de discussion, sans utiliser du 49.3, après quelques temps de discussion, je convainc tout le monde que tous les enfants ont un cerveau. Mais à quoi sert-il? Les enfants disent, bon, ben, ça sert pour réfléchir, pour faire du calcul. Est-ce qu'il faut un cerveau pour faire du foot? Oh ben non. Les enfants disent, mais non. On leur dit si. Et on prend en général ces deux exemples qui sont très clairs pour eux. On leur dit, tu as besoin d'un cerveau pour faire du football, pour faire du calcul, pour réfléchir, même pour respirer. Tu as besoin de ton cerveau, et si tu n'as plus de cerveau, tu ne parviens pas à respirer. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre de tout ton corps. Et donc, comme ça, très rapidement, vous voyez comment on a progressé. Mesure du corps, instrumentation, professionnel de la mesure, indolore. Le cerveau reste, comment voir l'activité du cerveau? Alors là, les enfants ne le savent pas, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir leur apprendre. Mais pour bien leur apprendre, on essaie de partir de ce qu'on appelle leur épistémologie naïve, les explications qu'ils donneraient spontanément. Je vous donne un exemple que je donne toujours dans mes conférences parce qu'il est parlant. D'un petit garçon qui était assis sur le tapis en classe d'école maternelle qui dit « c'est facile ». « Ah ben c'est très facile ». On lui dit « tu ferais comment ?» Il répond « il n'y a qu'à envoyer les bestioles ». Alors ceux d'entre vous qui ont fait des classes de grande section, qui ont eu des enfants de cet âge, vous savez que les bestioles ce sont les poux. Il y a des périodes où il y a des poux sur les têtes. Et il y a un livre pour petits qui s'appelle « les bestioles ». Donc le petit avait, savait ça, hein, cette expression, il dit « il n'y a qu'à envoyer les bestioles ». Donc immédiatement nous comprenions ce qu'il voulait dire. On lui dit, alors tout le monde rigole, on est inquiet, et on lui dit « ben vas-y, tu ferais comment ?» Donc c'est là où on explore l'épistémologie naïve de l'enfant. Et l'enfant dit « ben une fois de plus, c'est très simple, les cheveux sont des tubes, donc le cheveu est un tube, on envoie la bestiole par le tube, elle va descendre au bout du tube, voir le cerveau, comment il fonctionne, comment ça marche, elle va remonter, elle va nous le dire. » Vous voyez que c'est formidable. Ça, c'est vraiment, il a créé, il pourrait presque avoir un prix Nobel pour ça, il a eu un prix Nobel pour l'invention de l'imagerie cérébrale. Il a imaginé, l'imaginaire, enfin, je me répète, une façon indirecte, non invasive, d'aller explorer le cerveau et surtout d'avoir une information en retour, qui est scientifiquement en quelque sorte ce qu'on va faire et avoir de belles images du cerveau sur l'écran. Alors, les enfants rient comme vous avez ri, donc vous savez aussi que le rire permet dès l'instant le guide pour des notions, on va dire, essentielles, véridiques, permet l'adhésion. Et donc, peu à peu, les enfants sont très curieux de voir, puisque ça ne sera pas les bestioles, comment on pourrait faire. Et là, on leur dit, pas loin de ton école, il y a une grande caméra qui s'appelle une IRM. Et dans cette caméra, si tu t'allonges avec un médecin et avec toute notre équipe, on pourra voir ce qui se passe dans ton cerveau et on pourra le voir sur un écran de tablette ou d'ordinateur. Et ça, donc, c'est une information qu'on donne aux enfants et on lui dit que ça s'appelle une caméra d'imagerie par résonance magnétique. Alors, il ne va pas retenir cela. En revanche, les enfants adorent retenir des signes, des combinaisons. Et on dit que c'est une IRM. Alors, ils répètent IRM. Et lorsqu'on revient dans l'école pour la suite du processus, dès le moment qu'on arrive à 2-3 dans la cour de récréation, les enfants courent et disent « Ah, monsieur IRM, madame IRM ». Et peu à peu, naturellement, dans l'interaction sociale, dans la familiarisation, vous voyez tout ce qu'on a introduit. La technologie la plus puissante et performante aujourd'hui pour explorer dans le cerveau humain ses activations, ce dont Platon rêvait parce qu'il était déjà cérébrocentriste, hein, Aristote était cardiocentriste, donc après 2000 ans d'envie quand même de voir ce qui se passe dans le cerveau humain, depuis quelques années, on le fait. On peut le faire, y compris chez des enfants qui sont en train de se développer. Et pour faire ça, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucun moyen particulier, c'est du papier, c'est du crayon, ce sont des dessins, je veux dire, pour l'expliquer aux enfants. La technologie, elle, est évidemment une bonne technologie. Mais ce n'est pas du tout impossible, ça ne se fait pas automatiquement, facilement, c'est un savoir-faire, c'est un métier des psychologues ou des pédagogues, d'amener l'enfant à l'idée même, après il faudra le faire, de réaliser cela. Ensuite, là, c'est l'explication du projet. Quand on lui dit, c'est comme la science, c'est comme un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Il y a tout un entraînement de l'enfant à l'école. Vous savez que dans les écoles maternelles, il y a des tunnels en tissu hein, qui se replient sous forme de cercle. Donc, on utilise celui qui est dans la classe. On en a aussi acheté toute une série qui sont dans les coffres des voitures, quand on voit dans les écoles. Et on joue en allongeant l'enfant dans le tunnel, donc il doit se faufiler, il s'y installe. On, préalablement, dans la classe, dans la cour de récréation, on l'a entraîné au jeu de la statue, qui est un jeu qui existe hein, dans les écoles. On dit statue. L'enfant ne bouge pas. On refait. Donc, dès l'instant, le mot statue, il fait la statue, l'immobilité. Après, dans le tunnel, on fait le jeu de la statue alors qu'il est allongé. Parce qu'en général, on ne fait pas. On fait le jeu de la statue debout. On le fait allonger parce que quand il sera dans l'IRM, ça c'est un critère nouveau, qui sera un critère de réalisation de l'expérience, l'immobilité doit être totale pendant une demi-heure. C'est très difficile pour un enfant, mais en particulier les enfants d'école maternelle, dont vous vous souvenez, Henri Vallon disait l'enfant turbulent. Et en effet, les enfants sont turbulents. Donc il faut que l'enfant soit totalement immobile pendant une demi-heure. C'est ce qu'on doit vraiment préparer, familiariser. Donc on l'entraîne par le jeu de la statue à être immobile tout en étant confiné dans un tunnel. Comme le tunnel est en tissu, nous avons pu le découper et nous introduisons ainsi, vous le voyez ici, dans le tunnel, un écran d'ordinateur, une tablette, pour apprendre à l'enfant tout en étant immobile dans un tunnel à répondre à des stimulations. Ces stimulations vont tester quoi? L'architecture cognitive. Si c'est non, ça sera un jugement quantitatif. C'est une tâche de catégorisation, ça sera un jugement qualitatif. Si on fait cela avec des adultes, ça sera du raisonnement, une prise de décision, de déduction, d'induction, etc. Donc, vous voyez qu'on met ici l'enfant dans la situation tout à fait ludique, correspondant aux objets qu'il y a dans la classe, mais qui va correspondre, simuler la situation qui sera celle de l'IRM. Vous apercevez aussi sur cette image, mais que j'ai un beaucoup plus grand, qu'on fait construire aux enfants, là vous voyez l'enfant dans le grand tunnel, qui y est, qui a aussi un boîtier réponse. On apprend à l'enfant à répondre avec deux touches, mais sans regarder ses doigts, c'est extrêmement difficile. Donc la solution en fait est simple techniquement, mais on ne l'a pas trouvée directement. On a fait une touche parfaitement lisse et une touche rugueuse. Et très rapidement, avec un autre matériel, l'enfant apprend que lisse c'est pareil et rugueuse c'est différent. Mais vous voyez comment avec ce simple petit truc pareil différent, vous pourrez après tester toute l'architecture cognitive. C'est pareil ou pas pareil du point de vue du nombre. C'est pareil ou pas pareil du point de vue d'un critère de catégorisation. C'est vrai ou c'est faux pour un raisonnement logique. Ça marche chez l'enfant, parce que du coup, comme c'est tactile, ben, c'est plus rapide que de regarder, et ben, il ne bouge plus la tête pour regarder lourdement. Tout ça se prépare, vous voyez l'ensemble, la petite fille qui est dans, confortablement installée dans son tunnel en tissu, prend place, il y a un boîtier réponse, qui va permettre la mesure du temps de réaction, de savoir en termes de dizaines de millisecondes ou de secondes ce que l'enfant répondait au moment où on verra l'activation cérébrale lorsqu'il sera dans l'IRM, donc c'est tout ça qu'on prépare. Là, vous voyez par exemple, encore au laboratoire cette fois, parce qu'on va faire la même chose au centre de recherche, au laboratoire qu'on faisait à l'école, hein, pour que l'enfant fasse le parallélisme. Et au laboratoire, vous retrouvez le même tunnel, l'enfant est couché dedans, ici c'est la maman, et là c'est l'une de mes collègues, et on revoit si l'enfant, dans ces conditions, est bien adapté, on va dire, à l'ergonomie du dispositif expérimental. Vous allez voir ici aussi qu'on vérifie bien. Là, vous voyez d'ailleurs l'album qui correspond au poster que je vous ai montré tout à l'heure. Là, ma collègue prend, Arlette Pinot prend l'album, donne le boîtier réponse à l'enfant pour bien vérifier qu'il se souvient de ce qui est la touche pareil ou pas pareil. Donc, tout est absolument minutieusement vérifié tout au long de cette procédure qui peut prendre des semaines et parfois des mois. C'est vraiment une préparation. Et les enfants sont préparés comme on préparerait des spationautes qui vont dans l'espace. C'est aussi important et c'est presque aussi délicat. Ce n'est pas rien du tout, là c'est vraiment de la découverte scientifique, de l'innovation, que de faire des IRM avec des enfants de grande section maternelle pour tester par ailleurs des modèles cognitifs qui correspondent à la jeunesse de l'intelligence. Là vous voyez qu'il y a un casque en carton qu'on appelle le casque du chevalier. Et ce casque, les enfants le construisent, ils découpent, il y a du scotch, etc. Ils le peignent, ils ont gris métallisé. Cela correspond exactement à ce qu'on appelle l'antenne de l'IRM. Toutes les IRM dans le monde ont une antenne qui, justement, va créer ce phénomène paramagnétique qui mesurera l'activation cérébrale. Et l'enfant a lui-même construit en carton, c'est le casque du chevalier, l'antenne dans laquelle il sera lorsqu'il sera dans l'IRM. Si vous avez, certains d'entre vous l'ont fait, passé une IRM à l'hôpital, vous avez vu la tête entourée par un casque qui ressemble à cela. Vous voyez, la petite fille, donc elle est habituée à avoir un casque qui est donc ludique dans ce cas-là. Et en fait, tout cela, donc préparé comme un astronaute, l'enfant, vous voyez là, juste avant qu'il entre dans l'IRM, le boîtier réponse en main, qui permettra le jugement cognitif, la réponse, un long fil qui conduit à ses oreilles, ce sera la consigne, la question qu'on va lui poser. Et vous voyez qu'il a un casque, c'est une petite fille d'ailleurs, qui a un casque sur la tête. Ce casque va en même temps être l'aspect audio, on va pouvoir parler avec l'enfant, lui poser une question, comme on le ferait dans une relation pédagogique, et protège les oreilles de l'enfant. Ce sont des casques qu'on a repris, des casques qui existent sur les pistes d'aviation pour le personnel de piste. Donc ce sont les mêmes casques. Donc de protection du bruit, et en même temps, mais on fait feu de tout bois, ça permet la question psychologique via le système audio. Et là, vous retrouvez la vraie antenne de l'IRM, là on est dans la haute technologie, qui correspond, qui a la même architecture, le même schéma, que la maquette en carton que les enfants construisent avec eux. Ce qui fait que les enfants sont très préparés, et savent que c'est sérieux. On a décoré, vous l'avez peut-être aperçu, toute la salle et toute l'IRM. La salle elle-même, c'est une cage de Faraday, une énorme cage de Faraday, parce qu'il faut une protection électromagnétique du système. Mais la salle elle-même est décorée sur un thème spatial. On a mis des étoiles, y compris on a collé des étoiles sur l'entrée de l'IRM. Il y a des fusées et d'autres choses, parce que c'est une bonne façon, et d'autres dans le monde le font, de prendre la métaphore spatiale pour passer dans l'IRM. Mais, je vous raconte cela pour vous dire qu'en fait, bien sûr, l'enfant doit bien aimer, mais ce n'est pas ce qui retient son attention sur l'essentiel. Juste avant que l'enfant entre dans l'IRM, très souvent, on s'amuse à lui demander « Pourquoi tu fais ça ?» Sachant que, éthiquement, l'enfant peut se retirer à tout moment. C'est une règle éthique, et sans se justifier. Donc à tout moment, l'enfant peut dire « J'arrête, je me retire. » Et quand il sera dans l'IRM, il a une poire, comme on a à l'hôpital, et il appuie sur sa poire si ça ne va pas, et on est en contact direct avec lui. Mais juste avant, on dit à l'enfant « Mais pourquoi fais-tu cela ?» Vraiment, l'argument est ultime, au moment, il pourra encore dire « Je ne peux pas le faire. » On n'a pas tellement d'explications ludiques sur le thème de l'espace, ils ont bien compris que c'était de la décoration, et ce sont vraiment, je ne retrouve plus les mots exacts, mais les arguments scientifiques. C'est pour vous aider, c'est pour comprendre le cerveau, c'est pour que ça aide mes professeurs, comme peuvent l'être parfois les enfants quand ils sont plus sérieux encore qu'on leur demande. Et donc, néanmoins, c'est ce qui leur vient à l'esprit quand ils font ça. Ils savent que c'est pour la science et que c'est sérieux. Nous sommes dans la salle de contrôle, ici, dans l'obscurité. On voit sur cette caméra-là, par exemple, tout ce qui se passe exactement dans l'IRM, donc tout est contrôlé en permanence. Et vous avez, ça qui est extraordinaire, sur l'écran d'ordinateur, la reconstruction tridimensionnelle, point par point, de façon millimétrique, de ce qui se passe dans le cerveau de cet enfant-là à ce moment-là. Quand il va, par exemple, appuyer sur le bouton, pas pareil lorsque les jetons seront écartés. Donc nous, on sait, on fait l'hypothèse, qu'il est dominé par son heuristique, que son cortex préfrontal n'est pas activé parce qu'il n'imite pas l'heuristique pour activer l'algorithme de comptage, et on pourra mesurer en effet cette implication ou non du cortex préfrontal selon la réponse qu'il donne. C'est ainsi, en faisant toute cette procédure pour tous les enfants que vous aviez vus sur la photo, qu'on a découvert qu'en effet, les enfants qui parviennent à réussir à l'épreuve de conservation du nom, c'est-à-dire à appuyer sur le bouton lisse, y compris quand les jetons sont écartés, ces enfants-là, par rapport à ceux qui se trompent et qui appuient sur le bouton de gueule quand les jetons sont écartés, donc qui sont un stade ou l'autre selon la théorie classique de Piaget, ceux qui réussissent utilisent leur cortex pariétal, une région précise du cortex pariétal qui est connue par d'autres travaux et d'autres laboratoires comme la région du nombre, c'est le sillon intrapariétal, et donc, ce qu'a montré Stanislas Dehaene, dans toutes les tâches du nombre, chez l'enfant comme chez l'adulte, lorsque l'on fait du nombre, cette région s'active. C'est l'épicentre des mathématiques et du nombre. Donc cette région est bien activée chez les enfants qui réussissent. Mais notre hypothèse, souvenez-vous du triple modèle, c'est que ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est l'algorithme. Mais comme on a vu que l'espace se construit aussi dans le cortex pariétal, donc la fameuse voie dorsale dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a à la fois l'algorithme du nombre, mais aussi l'espace. Donc il y a aussi l'écartement. Et ce que l'enfant ne parvient pas à faire, c'est régler ce conflit entre une heuristique et un algorithme dans le domaine du numérique et au sein du cortex pariétal. Et vous voyez que, vous vous souvenez de l'origine de l'heuristique et que les objets plus ou moins écartés, ben, cette heuristique va créer le conflit parce qu'il y a ici deux stratégies en compétition que l'enfant ne parvient pas à dissocier quand il échoue. Il faut donc, et c'est cela que nous avons pu démontrer grâce à cette expérience, une co-activation du cortex préfrontal qui, lui, va envoyer, et il a des neurones à axones longs, un ordre inhibiteur à longue distance, tel le ferait un ministre de l'Intérieur pour son préfet en province, dans les Hauts-de-France, par exemple, ils vont envoyer un ordre inhibiteur à distance au cortex pariétal qui va faire que dans ce cas-là, ce sera un stop. On inhibe le critère longueur, la dimension non pertinente mais dominante, pour activer le critère nombre qui nécessite l'algorithme de comptage. Et c'est ainsi que nous avons découvert un processus fondamental qui n'est pas de la maturation, parce que là, c'est à maturation égale. C'est un autre processus de l'apprentissage qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle interactive. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Ça veut dire que l'enfant, pour réussir cette fameuse tâche de conservation du nombre, doit faire la spécialisation fonctionnelle interactive, c'est-à-dire faire travailler ensemble des régions différentes de son cerveau pour fonctionner, pour répondre. L'IRM qu'on a utilisé là, ça s'appelle de l'IRMF, de l'IRM fonctionnel. Donc pour fonctionner, répondre, disons, avec intelligence, en ne se laissant pas piéger par l'espace, le camp, la dimension et le nombre, il doit utiliser des régions mais très très distantes de son cerveau. Et vous retrouvez la dynamique d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure. Quand on a appris, ben, la différence, le point clé, c'est que le cortex préfrontal est impliqué. Et ce cortex préfrontal va permettre de corriger l'erreur. Et là, on est au cœur du statut de l'erreur qui n'est pas lié à une absence d'algorithme. L'enfant sait compter, sait détecter la variance du nombre par rapport à la longueur, mais au même endroit du cerveau, à la fois par recyclage, par compétition, deux dimensions en compétition, l'espace et l'erreur. Et le cortex préfrontal, c'est son rôle, c'est un chef d'orchestre. Et ce cortex préfrontal, dans ce cas-là, doit envoyer un ordre inhibiteur éclairé. Et c'est là-dessus que porte l'apprentissage. C'est en fait apprendre à l'enfant à faire cela. Donc c'est ça qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle interactive. Et ces deux régions doivent apprendre à travailler ensemble de façon interactive. Mais cette interactivité, c'est là que s'inscrivent en termes, on va dire, neuronal, physiologique, ce qui est vrai à tous les niveaux d'organisation du vivant, c'est qu'il y a à la fois des neurones inhibiteurs, des connexions, des synapses inhibitrices et activatrices. Et c'est pas seulement vrai dans la physiologie, c'est au cœur de l'intelligence et du développement cognitif. Et vous en avez ici un exemple pour les macros, pour les stratégies cognitives correspondant à des réseaux cérébraux très distants. Parce que classiquement, Piaget ou d'autres, actuellement, qui travaillent sur le nombre, auraient dit une tâche de nombre, ça implique cette région-là. Ce qu'on montre ici, c'est qu'une tâche de nombre, quelquefois, ça implique cette région-là, mais que cette région-là conduit à l'erreur. Si le conflit n'est pas résolu. Et ce conflit doit être résolu par une autre région très distante. Et c'est là que si on entraîne le cortex préfrontal par des apprentissages à l'inhibition du contrôle exécutif, on va entraîner cette connexion lointaine entre des régions différentes. Et ça, c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de la pédagogie. Et je vais vous en donner des exemples pour le raisonnement. Alors, ensuite, il faut bien montrer que les choses se passent dans cet ordre. Donc, je vous l'ai montré rapidement sur une image tout à l'heure. À la Sorbonne même, nous avons installé un système d'imagerie de jet haute densité. Ce n'est pas possible de mettre une IRM dans la Sorbonne compte tenu du caractère historique du bâtiment. Néanmoins, on a pu mettre une petite cage de Faraday, qui a quand même la taille d'une grande pièce, un système de jet haute densité. Vous voyez, ce petit enfant va résoudre la même tâche de conservation du monde. Il a un bonnet avec 256 capteurs sur la tête. Il y a 256 petits fils qui passent par là, et qui vont être connectés à un ordinateur et un système qui enregistre son activité électrophysiologique. Et comme là, on est dans de l'EEG, haute densité, les images sont un peu moins bonnes, mais elles sont quand même aujourd'hui très jolies, avec des logiciels de reconstruction des sources cérébrales, parce que là, c'est une mesure sur le scan, l'extérieur du cerveau, mais on a une excellente résolution temporelle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment à la milliseconde. Donc, avec à la fois la combinaison de résultats d'IRMF, et de géodensité sur la même tâche, on peut montrer en effet qu'avant la réponse finale qui va nécessiter le cortex pariétal, puisqu'au final il faudra bien compter ou quantifier, il faut entre les deux une intervention du cortex préfrontal qui précède la réponse ultime où le cortex pariétal est bien branché en quelque sorte sur le nombre et pas sur la longueur. Et donc, cette temporalité, donc là on est dans les micro-genèses que j'évoquais tout à l'heure, au cours des quelques minutes, hein, quelques dizaines de secondes de la résolution de la tâche, on voit la succession de ces recherches. Quand on publie ces recherches, il y a beaucoup de contrôle, de critique, ça c'est le milieu scientifique qui se contrôle, qui examine, qui dit bon, ben, ok, vous faites une expérience tout à fait nouvelle avec des technologies qui n'ont jamais été utilisées chez l'enfant, ça remet en cause la théorie de Piaget d'Estade. Vous comprenez qu'on est très. Ce que je vous présente a été publié, donc c'est validé, mais en amont, on est très, très critiqué, on demande des conditions supplémentaires, et en effet, parce que c'est ça la démarche scientifique. Donc par exemple, on nous a demandé de vérifier si lorsque l'enfant en classe fait une tâche qui teste une inhibition, mais là c'est une tâche de catégorisation d'animaux, mais l'enfant doit très rapidement dénommer l'animal d'après son corps. Donc là, c'est un mouton qui a une tête de mouton, mais là le problème c'est que c'est une vache qui a une tête de cochon. Donc il y a toute une série d'items qui sont soit avec conflit cognitif, sans conflit cognitif. Et l'enfant, l'heuristique est en général d'identifier même un animal d'après sa tête. Donc c'est le plus rapide. Les enfants ont beaucoup d'erreurs de ce type. Néanmoins, ils parviennent à réussir. Et donc on a avec ce test qui est utilisé beaucoup de par le monde, en classe ou dans les services de neuropédiatrie. On ne l'a pas inventé, on a pris un test standardisé, parce que présentement c'est un contrôle expérimental. Et tous les enfants qui ont fait ce test à l'école par ailleurs, on a pu montrer que leur performance dans ce test corrèle exactement, donc leur capacité à résister à l'interférence, au conflit entre la tête et le corps, pour la catégorisation, corrèle exactement avec le signal neural dans l'activation du cortex préfrontal inférieur droit, donc lié à l'inhibition, lorsque l'enfant par ailleurs fait la tâche de conservation du monde dans l'IRM. Or, ici c'est une tâche de catégorisation, donc de traitement qualitatif avec conflit cognitif. Comprenez la similarité. Ça, c'est l'équivalent de longueur égale nombre. La tête est égale au corps. Et ça, c'est l'équivalent du conflit entre le nombre et l'espace. La tête n'est pas égale au corps. C'est ça l'analogie entre les deux tâches. Donc, or, l'autre n'est pas du tout une tâche de nombre, mais vraiment une tâche d'inhibition, qui est vraie pour la catégorisation pour le nombre. Et donc, le contrôle expérimental qu'on nous demandait, c'est de voir si cela corrélait avec l'activation chez chaque enfant dans le domaine du nombre lorsqu'il était dans l'IRM de cette région. Et donc nous avons trouvé cette corrélation, nous l'avons publiée et ça vous montre aussi comment on travaille. Parce que là c'est vraiment ce qui se passe en classe très concrètement et les données qu'on a eues dans l'IRM de façon ludique, parfois très très technologique, expérimentale. Et ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire, après on discutera, de refaire des IRM pour tous les enfants dans toutes les classes. On va découvrir et on découvre des lois générales, fondamentales de l'apprentissage, mais qui, une fois qu'elles sont validées, peuvent être déclinées dans la pratique selon les recommandations qu'on peut tirer de ces découvertes, comme on le fait dans le domaine de la santé, où des découvertes sont faites en amont, en recherche biomédicale, et après, c'est appliqué par les médecins qui prescrivent, qui utilisent et qui déclinent selon les cas. Donc ici encore, mais de façon un peu plus complexe pour le nombre, vous voyez que l'enfant doit apprendre à résister, c'est ça être intelligent, tout comme le bébé devait apprendre à résister à l'heuristique du geste préprogrammé vers A dans l'erreur en nombre. On va voir le plus tardif chez l'adolescent et l'adulte, pour le raisonnement. Alors je vais le faire en 5 minutes, on est le temps de la discussion. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Pour le raisonnement. Si vous étiez comme cet ado, face à un ordinateur sur lequel vous allez avoir un jeu de logique à réaliser, et donc on est vraiment cette fois au sommet de l'architecture cognitive, j'ai sauté la catégorisation, mais il lui fallut ce qu'on ne pouvait pas faire, et qu'il ne fallait pas faire, ça ferait trop de temps, une demi-heure de plus, mais non plus, vous comprenez, c'est que c'est repenser avec vous l'ensemble de l'ontogenèse, des choses fondamentales, puisque c'est empirisme, minéisme, constructivisme, des choses très précoces. Repenser la nature du progrès, dynamique et non linéaire, et toujours avoir à l'esprit que dans tous ces domaines, il y a des invariants, c'est-à-dire ces trois systèmes, heuristique, algorithme, inhibition. Et que c'est l'inhibition qui se développe le plus tard et qu'on ne pense en général pas entraîner explicitement, alors que les algorithmes sont les programmes scolaires, et les heuristiques, ça peut aussi être des règles surapprises, mais aussi des choses inconsciemment construites. Donc pour le raisonnement chez l'adulte, si je vous voyez sur un écran comme ici, la règle logique. Là, on va être dans la déduction, ça pourrait être transformé en syllogisme. Et vous voyez, c'est là qu'on va retrouver Aristote dans les neurosciences. Mais on va faire plus simple, on va faire une règle de conditionnelle. Donc ça va être du langage, cette fois, qui va porter sur des formes de couleurs. Donc c'est raisonnement et catégorisation. Et la règle, c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. J'entends des soupirs. Là, vous commencez à être comme le bébé qui se demande s'il doit aller chercher derrière un écran, derrière l'autre, ou comme l'enfant qui se demande si quand même il n'y en a pas pareil alors que c'est plus long. Donc, et les polytechniciens se trompent en effet. Ça, j'en étais très heureux parce que c'est pas pervers, mais quelques fois, avec les recherches que l'on fait, on est à la fois invité beaucoup dans le les académies, pour l'éducation, mais aussi, ça peut paraître étonnant, mais ce n'est pas en fait, par exemple, des grands groupes industriels en France, et où ils font des formations pour ce qu'ils appellent les N-10, les cadres supérieurs à haut potentiel. Et dans un grand groupe industriel français, j'avais fait ça pendant quelques temps, et donc, bon, je leur présentais ce qui est important, c'est-à-dire, bien sûr, similaire à ceci. Et on avait décidé avec les ressources humaines qui organisaient cela de les mettre en situation et de leur faire faire réellement la tâche. Ils étaient de N-10, un peu moins nombreux. Et ils se sont tous trompés. Et c'était très intéressant parce qu'ils voyaient par le résultat, avec l'algorithme très simple, et tout le monde est sans doute polytechnicien à cet algorithme, mais même un polytechnicien ne l'utilise pas. Ce qui est en même temps un peu effrayant. Puisqu'ils décident, ils construisent des ponts, des chaussées, ça c'est les ponts de chaussées, où là en l'occurrence c'était un groupe avec des plateformes pétrolières et beaucoup de choses comme ça. Alors la règle est, à gauche, donc je l'ai déjà dit, à gauche c'est cette case-là, et à droite c'est cette case-là. À gauche, à droite. On a construit, là vous voyez aussi tout ce qu'il y a derrière, hein, on doit programmer, on doit coder des expérimentations, des jeux, et c'est pas juste coder pour coder, c'est coder avec un plan expérimental, des variables, des sujets, etc., et dont on va étudier les corrélats dans le cerveau. Donc la case de gauche, c'est celle-là, la case de droite, c'est celle-là, et en fait, le jeu, la règle, c'est que vous devez rendre la règle fausse. C'est une tâche de falsification de règles conditionnelles. Donc, on a construit le dispositif pour qu'à chaque fois, il y ait une matrice avec ces 12 formes géométriques qui apparaissent à l'écran. Vous voyez qu'il y en a 12, des carrés, des cercles et des losanges qui peuvent être bleus, jaunes, rouges ou verts. Ça fait 12. Et quand c'est tactile, on pourrait faire autrement, mais enfin, on a fait le plus intuitif. Quand vous choisissez une forme, vous mettez votre doigt sur la forme, vous la déplacez, vous appuyez et elle s'imprime dans la case de gauche. Donc c'est très bien. En fait, c'est très ludique, c'est très intuitif, comme peut l'être un jeu ou un jeu d'esprit. Donc l'adulte doit répondre vite et bien. Pas seulement vite, vite et bien. Donc, c'est toujours ce qu'on dit aux enfants aussi, tu dois répondre vite et bien. Si on dit tu dois répondre vite, on peut dire privilégie l'heuristique parce qu'il faut aller vite. Donc on dit toujours dans les consignes, répondre vite et bien, c'est ça l'intelligence, c'est trouver l'optimum entre ce qui est bien tout en allant vite. Et mettre donc une forme à gauche et une forme à droite de telle sorte que tu rendes la règle fausse, c'est-à-dire que tu créeras avec ces deux formes une configuration qui va contre la règle. Et quand vous faites ce test, et vous pourrez le faire autour de vous, nous n'aurons pas le temps de le faire, vous verrez que la grande majorité de l'échantillon, donc de ceux qui passent l'expérience, répondent carré rouge à gauche et cercle jaune à droite. C'est une heuristique d'appariement perceptif. Je vous le dis rapidement, parce que j'ai promis d'être rapide, une heuristique d'appariement perceptif qui fait que, par exemple, si je vous dis « n'imaginez surtout pas un éléphant rose », vous allez tous imaginer un éléphant rose. Si on dit à un enfant, il ne reste plus de glace, il n'y a pas de glace au chocolat. Il pense toute la journée à la glace au chocolat. Tout ce que je vous dis n'est pas rationnel, c'est du bricolage. Mais là, ça construit l'heuristique dans le domaine des rapports délicats entre le langage et la logique. On croit que ce qui va contre une règle, c'est finalement, avec une négation dans l'antécédent, c'est de citer ce qui est dans la règle. Donc, on raisonne comme ça. Et c'est un résultat très solide qui est répliqué dans le monde, ce qu'on appelle le biais. Là, nous sommes dans les biais cognitifs, les biais de raisonnement. C'est le biais d'appariement perceptif. Vous voyez aussi que c'est un exemple parlant pour la pédagogie, parce que l'enfant, l'élève ici, ado ou adulte, se laisse piéger par la règle, par les éléments cités dans la règle. Et donc, il y a carré rouge et cercle jaune dans la règle, et en remettant carré rouge et cercle jaune, comme il y avait une négation au début, ils se disent, ben, c'est bien ça qui rend la règle fausse. Or, l'algorithme, dans ce cas, donc triple système, heuristique, c'est appariement perceptif. C'est-à-dire apparier les deux formes choisies avec les deux formes citées dans la règle. C'est ça l'appariement perceptif. Carré rouge, cercle jaune. L'algorithme, si j'avais un tableau noir, je vous le dessinerais, mais vous l'imaginez. Et là, c'est pour ça que j'étais Aristote, l'Antiquité, la logique, c'est vrai depuis 2000 ans. L'algorithme est très simple dans cette tâche. C'est une règle conditionnelle, donc du langage structuré par de la logique. Un si et un alors. C'est une règle conditionnelle, si, alors. La partie si s'appelle l'antécédent, la partie alors, le conséquent. Donc vous imaginez deux colonnes, antécédent, conséquent. Vous pouvez avoir, pour l'antécédent et le conséquent, deux valeurs de vérité. On prend la logique la plus simple, vrai ou faux, comme dans les syllogismes. Il y a quatre cas de figure. On peut avoir l'antécédent vrai, le conséquent vrai, donc, sur dans la première ligne de la première colonne, l'antécédent vrai, le conséquent faux, l'antécédent faux, le conséquent vrai, l'antécédent faux, le conséquent faux. Ça fait quatre cas de figure. Et vous savez tous, assurément, que le seul cas de figure qui rend une règle fausse, c'est le deuxième. Que l'antécédent soit vrai, que le conséquent soit faux. C'est-à-dire qu'on soit dans les conditions d'application de la règle et qu'on la transgresse. C'est vrai en justice, et c'est vrai en logique, et c'est vrai dans la vie quotidienne. Donc, l'algorithme-là, c'est un peu plus compliqué que la permanence de l'objet, c'est un peu plus compliqué que la conservation du nom, et c'est normal parce qu'on est chez l'adolescent et chez l'adulte. Donc l'algorithme, c'est la manipulation en mémoire de travail de cette table de vérité, hein, ce que j'ai décrit, c'est un peu une table de vérité logique. À savoir qu'il faut, dans ce cas, pour rendre une règle conditionnelle fausse, sélectionner un antécédent vrai et un conséquent faux. L'antécédent, c'était s'il n'y a pas de carré rouge à gauche. Donc il fallait choisir tout ce que l'on veut, sauf carré rouge. Il fallait donc inhiber le carré rouge, résister à carré rouge, résister à la stratégie d'appariement perceptif. Par exemple, un carré bleu. Et ce carré bleu, qui, avant l'explication que je vous donne, vous aurez paru de la même nature que ce carré rouge, c'est une forme géométrique d'une couleur différente. Non. Ce carré bleu, lui, est sous-tendu par une stratégie algorithmique. Ce carré bleu n'est pas un carré bleu, c'est un non-carré rouge. Et c'est tout à fait différent. Là, on passe de la perception à l'abstraction, de la perception à la logique, qui présuppose de la catégorisation. Donc, j'aurais quand même un peu parlé de la catégorisation. Donc, ce carré bleu, c'est un non-carré rouge, c'est-à-dire un antécédent vrai. Là, on est dans les conditions d'application de la règle. Donc, puisqu'on est dans les conditions d'application de la règle, on peut ne pas l'appliquer, donc la rendre fausse. Le conséquent, c'était alors il y a un cercle jaune à droite. Il faut rendre la règle fausse, donc il faut mettre tout ce que l'on veut, mais pas un cercle jaune. Donc il fallait à la fois inhiber carré rouge et cercle jaune, c'est-à-dire les deux éléments cités dans la règle. Et vous mettez par exemple un losange vert. Le losange vert, c'est un non carré jaune. Et en faisant ça, vous avez donné une réponse logique. Alors soyez rassurés, c'est normal, hein, je vous laisse m'ignorer. C'est peut-être un autre moment d'exposer, je vous demanderai le silence, mais voilà, vous pouvez m'ignorer, c'est normal, parce que votre cerveau lui-même, c'est un challenge, vous êtes mis en question, vous discutez. Il y a d'autres réponses logiques, soyez rassurés. Carré bleu, losange vert, est tout à fait logique. Mais il y a des tas de réponses logiques dès l'instant où c'est un non-carré rouge et un non-cercle jaune. Donc pour être créatif, il faut dans ce cas-là, y être créatif logiquement, parce que c'est un jeu logique, il fallait choisir des éléments qui sont dans la matrice mais qui ne sont pas cités dans la règle. Alors je vois aussi des fronts remplissés, ce qui veut dire un cerveau qui doute, qui s'interroge. C'est normal. Là, c'est un biais cognitif majeur. Et là, je pense que certains d'entre vous ont peut-être réussi, parce qu'on parle depuis une heure et demie d'inhibition des automatismes, que si on se trompe, ce n'est pas nécessairement qu'on n'a pas l'algorithme, qu'on n'est pas capable, grâce à son cortex préfrontal, d'inhiber l'heuristique. Et vous êtes donc déjà très induit. Ça, on l'a découvert comportementalement. C'est-à-dire que si vous faites cette expérience, vous observerez ce grand nombre d'erreurs d'appariement perceptif et très peu de réponses logiques. Or, on est à la fin du développement de Piaget. On est au stade de la logique formelle. Vous voyez que là aussi, la logique des stades ne marche pas du tout. Pour Piaget, on devait être logique dans des tâches de logique déductive élémentaire. Il acceptait qu'il y ait quelques décalages, mais c'était l'exception, le décalage. Ici, et ça c'est une notion importante, le décalage est la règle dans le développement, et pas l'exception. Alors que Piaget, ceux qui connaissent bien la théorie de Piaget, savent qu'il y avait des décalages horizontaux, des décalages verticaux. Mais le problème, c'est quand on a une théorie structuraliste, comme l'avait Piaget, comme l'avait Lévi-Strauss à la même époque en anthropologie, quand on a une théorie structuraliste et qu'on accepte à tout moment des décalages à la fois horizontaux, c'est-à-dire au même âge, et verticaux, comme beaucoup que je vous ai montré, à travers les âges, c'est-à-dire un bébé qui peut faire la variance longueur égale nombre et qui ne la fait plus à 7-8 ans, enfin jusqu'à 7-8 ans, mais la théorie tombe par terre, parce qu'on ne peut pas avoir une théorie structuraliste qui prédit les stades selon les structures et qui accepte que tout parte dans tous les sens sur les plus structuralistes. C'est pourquoi on a dû réimaginer le fonctionnement cognitif autrement et les stratégies fonctionnelles qui cohabitent et qui entrent en compétition. Et donc, ayant fait cela, on a aussi refait toute l'expérience avec des enfants plus grands, cette fois des élèves et des adultes, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et jackpot en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, on a fait cette découverte, qui était celle que je vous présentais au tout début, dans les principes généraux. C'est avec ce dispositif-là qu'on a découvert que lorsque des élèves se trompent, leur cortex préfrontal n'est pas du tout activé, c'est toute la partie postérieure qui est activée. Vous vous souvenez, voie ventrale, voie dorsale. Je vous avais dit que la voie ventrale, c'est le quoi. Le quoi ici, c'est quelle forme géométrique je choisis, quelle forme, quelle couleur. Mais la tâche, c'était aussi d'en mettre une à gauche et une à droite. Donc la voie dorsale, la voie du cou, la localisation spatiale des objets est aussi très sollicitée. Mais vous voyez que lorsque l'on répond de la première façon, donc on reste dans l'heuristique d'apparemment perceptif, on raisonne bien sûr, on raisonne un peu, on est convaincu que c'est correct. Et les polytechniciens l'étaient pour beaucoup d'entre eux. Donc on raisonne, on n'a pas conscience de l'erreur. Il y a à ce moment-là qu'on raisonne. Vous voyez ici, on utilise la moitié de son cerveau. En l'occurrence, cette partie très postérieure, très automatique, de où et quoi, rapidement, mais sans aller jusqu'à la mobilisation du cortex préfrontal, qui apparaît seulement quand ils corrigent l'erreur. Et quand on leur a appris à inhiber, parce qu'il faut leur apprendre, puisqu'ils n'apprendront plus par le développement, quand on leur a appris à inhiber l'automatisme, l'heuristique longueur également. Et c'est là que vous voyez, chez les mêmes élèves, y compris les adultes, cette vicariance, c'est-à-dire que dans la même tâche de raisonnement logique, on peut utiliser des chemins, donc des réseaux cérébraux totalement différents pour répondre. Et que ces deux paires de formes qui, avant mon explication, vous paraissaient identiques, ces deux paires de formes colorées, relèvent en fait de réseaux neuronaux diamétralement opposés dans le cerveau. Parce que l'une relève d'une stratégie heuristique et l'autre relève d'une stratégie algorithmique qui n'a pu s'appliquer que par apprentissage de l'inhibition de la stratégie heuristique. Et c'est là que le cerveau fonctionne de manière avec sa, toutes ses capacités logiques, mais spontanément, le cerveau, y compris celui des techniciens, ne fonctionne pas logique, de façon logique, c'est comme cela. Vous voyez que ça remet en cause toute l'instruction formelle, toute l'éducation classique. Il faut bien sûr apprendre les algorithmes, mais des tas d'heuristiques se construisent aussi, et il faut identifier autant les heuristiques, les algorithmes, que tous les cas de figure, où ils entrent en compétition et où l'inhibition est requise. Cela s'est fait par des procédures d'apprentissage hors caméra, avec un pré-test, un post-test immédiat, un post-test différé. Donc on fait plusieurs examens d'imagerie cérébrale. Et entre les deux, c'est une vraie interaction entre un prof et un élève, où on fait dans une autre tâche qui est analogue, du palier du principe, l'heuristique est aussi l'appareillement perceptif et l'algorithme, un antécédent vrai, un conséquent faux. On entraîne sur un autre jeu de logique, et on entraîne vraiment l'inhibition. Il y a un filtre inhibiteur transparent sur un plexiglas, on peut aussi le construire sur un écran d'ordinateur. Un rond central qui est la zone d'activation, la zone d'inhibition. Le réponse spontanée sera là aussi un appareillement perceptif. Et on leur, alors qu'ils sont convaincus que c'est correct, on les oblige à inhiber. Ils font cet entraînement d'inhibition et le jeu est tel que lorsque ce carton répond, c'est sous l'agir, ils ne peuvent plus l'utiliser, c'est bloqué. Donc ils sont obligés d'aller rechercher nos solutions. Et peu à peu, on leur fait inhiber l'heuristique, activer l'algorithme. Et on entraîne cela. Donc tout comme on répète un geste pour du sport ou de la musique, tout comme on répète une règle, on répète la mémoire, comme je l'ai montré au début, il faut aussi répéter les apprentissages exécutifs de ce type, parce que ça apprend à activer son cortex préfrontal en même temps que d'autres régions, et donc cette spécialisation fonctionnelle interactive, provoquée par l'apprentissage dont je vous parlais, et qui est vraiment le rôle de l'école. Et donc, si on fait un apprentissage purement logique, comme vous voyez à droite, parce qu'on a toujours des conditions de contrôle, très proches, très précises, sans inhibition, l'apprentissage logique, en fait, ne provoque pas la reconfiguration cérébrale, et seul l'apprentissage au contrôle inhibiteur, avec ce dispositif didactique qui était impliqué dans des classes à tous niveaux, sur des tâches très différentes, cet apprentissage inhibiteur, parce qu'il exerce le cortex préfrontal, va entraîner cette reconfiguration que je vous ai préalablement démontrée. Et c'est ça que j'appelle de la neuropédagogie. Parce qu'on peut vraiment aujourd'hui, mais ce n'est pas juste une neuropédagogie, vous voyez qu'au milieu, il y a des analyses psychologiques, des modèles, des conditions différentes, conditions humaines, sociales, didactiques de l'apprentissage. Et ainsi, bon, je suis obligé juste de vous montrer des images. On a découvert donc cette vicariance. Là, ces images que vous avez déjà vues, c'est de la variabilité intra-individuelle. C'est important. La plupart des images du cerveau que vous avez sans doute vues dans des magazines ou dans des articles spécialisés, on vous montre en quoi des régions différentes du cerveau correspondent à des tâches différentes. Ici, ce n'est pas ça. C'est des régions très différentes, donc deux réseaux tout à fait opposés, correspondant chacun à une stratégie bien identifiée par le psychologue, heuristique versus algorithme, des réseaux très différents dans la même tâche, chez les mêmes élèves. La seule chose qui change, c'est leur stratégie de raisonnement. Donc c'est l'aspect psychologique qui a été de surcroît provoqué par un apprentissage, une pédagogie particulière qui est en train de cette modification. Et avant ce résultat-là, je peux vous dire que tout le monde aurait prédit que dans une tâche de logique et d'abstraction, nécessairement, un humain adulte ou un adolescent grand va utiliser son cortex préfrontal. Parce que le cortex préfrontal est connu dans tous les livres d'anatomie comme étant impliqué dans la logique, l'abstraction. Eh bien, non, à tâche égale, on peut utiliser des réseaux très différents, mais on ne peut les comprendre qu'en passant par cette analyse psychologique et stratégie de raisonnement, heuristique, algorithme, inhibition. C'est donc l'éducation qui provoque cela, vous le comprenez, expérimentalement. Ce changement cérébral, ce n'est pas la maturation, ce n'est pas la génétique, même si ces contraintes-là sont importantes. Ici, c'est l'éducation qui entraîne cette reconfiguration. On retrouve donc ce triple système chez l'adulte, cette fois. On est à la fin de l'ontogenèse, tout comme on l'avait vu chez le bébé pour l'erreur annoncée. Et ce sont toujours ces choses-là qui se rejouent, depuis toujours, bien sûr. On les découvre aujourd'hui. Mais maintenant, le sachant, ça peut créer avec vous, par vous, les chercheurs, le monde de l'éducation, une conscience réflexive plus précise de ce qui se passe et qui permet de réinterpréter l'erreur, la logique de l'erreur et ce sur quoi il faut faire porter l'apprentissage pour corriger l'erreur. Et tous les exemples que je vous ai montrés étaient des erreurs qui nécessitaient des corrections d'erreurs. Et le dernier exemple du raisonnement, mais il est ici à la fin de l'ontogenèse, on voit que même si on a une logique acquise à l'école, renforcée à l'adolescence, dans des études supérieures comme les polytechniciens, cette logique peut complètement s'effondrer dans une tâche où une heuristique beaucoup plus archaïque va dominer, comme l'appareillement perceptif par rapport à l'algorithme logique. Et ce qu'il faut faire, c'est en mémoire de travail, et on entraîne donc l'élève à faire ça, inhiber la réponse de l'appareillement perceptif pour activer ici le petit algorithme, c'est antécédent vrai, conséquent faux, la table de vérité que je vous ai donnée. Imaginez ça plus ou moins rapidement dans son cerveau pour choisir la bonne forme au bon moment. Tout comme l'algorithme était la permanence de nos flèches chez le bébé, tout comme l'algorithme était la conservation du nombre chez l'enfant. Si on avait fait l'exemple de la catégorisation, c'eût été la fusion des classes, qui est un algorithme qui est aussi allègrement transgressé par le cerveau humain de l'enfant. Il y a tous les âges où on ne respecte pas la fusion des classes, alors qu'on écrit cet algorithme par ailleurs. Ce modèle que j'ai dessiné, mais bon, je pense qu'on peut garder le dessin, qui vous montre la nouvelle théorie que l'on conçoit avec mon laboratoire du cerveau humain, à savoir qu'il y a partout dans le cerveau, je ne vous ai donné que quelques exemples, des heuristiques, c'est le rond blanc, des algorithmes, qui est un peu plus grisé, là c'est par exemple l'heuristique, c'est longueur également, l'algorithme c'est le comptage exact, des heuristiques, il y en a partout dans le cerveau, pour la lecture par exemple, de la même façon, pour la logique qu'on vient de voir, vous avez partout dans le cerveau des heuristiques et des algorithmes qui se chevauchent. Et quelquefois, ce sont les mêmes régions qui ont été recyclées pour passer de l'un à l'autre. Et qui, quelquefois, entrent en compétition. Et lorsqu'elles entrent en compétition, il faut le troisième système, vous pouvez retrouver les trois systèmes, le centre d'inhibition du cortex préfrontal, qu'on a maintenant parfaitement identifié, qui a été confirmé par des méta-analyses faites dans d'autres laboratoires dans le monde. Et ce cortex préfrontal va envoyer à longue distance, comme on l'a vu, soit dans la voie dorsale, s'il s'agit du nombre et de l'espace, dans la voie ventrale, s'il s'agit de la catégorisation, de la lecture, une forme de catégorisation, va envoyer des ordres inhibiteurs et activateurs qui vont permettre de résoudre localement le conflit entre deux régions cérébrales et donc entre les deux stratégies qui y correspondent. Et c'est vrai pour beaucoup de domaines, j'en ai présenté trois, on va prendre des dizaines, vous trouverez tout cela sur les publications, sur le site, mon site, celui du laboratoire, tout cela pour tout le cerveau. Et vous comprenez donc l'importance capitale d'éduquer cette partie du cerveau, et en l'occurrence la capacité positive d'inhibition, facteur clé de l'intelligence, du bébé à l'adulte, de l'objet au raisonnement, parce qu'à tout moment, c'est comme s'il se rejoue dans le cerveau, y compris lorsqu'il est très instruit et plein d'algorithmes. Et c'est sans doute ça la différence entre l'ordinateur et le cerveau, c'est-à-dire que les ordinateurs, ce sont des algorithmes, le codage, ce sont des algorithmes, mais le cerveau humain a en plus des heuristiques, ce qui lui permet d'aller vite, de bien fonctionner à l'intuition, très souvent, mais pas toujours. Et donc c'est pourquoi il y a plus d'erreurs, et c'est moins fiable lorsque l'on fonctionne sur un mode uniquement heuristique. Pour le nombre, on a pu formaliser cela. Il y a d'abord une région du cortex pariétal qui correspond à la longueur qui domine, première étape. Deuxièmement, le cortex préfrontal peut être déclenché, vous vous souvenez, en logique de densité, pour envoyer un ordre inhibiteur et activateur qui va en fait inhiber la première partie, la longueur, pour activer le nombre. Et cet ordre doit se faire à longue distance. Et c'est ça qu'on peut éduquer, c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est cela la spécialisation fonctionnelle interactive qui est soit qui se développe naturellement, mais qui peut aussi être créée par l'apprentissage, par des situations didactiques pensées pour cela. Et le programme n'intègre pas cela en soi. On peut le faire incidemment, mais ça pourrait être aussi important que les programmes scolaires qui, eux, apprennent les règles et les algorithmes. Aujourd'hui, on a aussi le Connecto, des nouvelles techniques qu'on utilise dans un projet de recherche aujourd'hui sur 150 enfants, qui nous permet non seulement de voir les régions, mais ces flèches que j'avais dessinées, de les mesurer. Et donc, là, vous avez un exemple de Connecto où on peut traquer, cibler, suivre toutes les connexions. Là, c'est de la matière blanche, il y a des physiologistes parmi vous, qu'on appelle la myéline, et cette matière blanche qui entoure les axones, et dont on sait que plus il y en a, plus cette gaine de myéline est importante, plus la vitesse de conduction de l'influx nerveux, donc soit inhibiteur, soit activateur, est grande. Et donc c'est très important de voir aussi cette matière blanche, et il y a une nouvelle technique qui permet de le faire, avec la même IRM, de voir cette matière blanche pour justement voir si ce qu'on a appris à l'enfant va renforcer ses connexions entre le préfrontal et le pariétal. Et donc ça, si on avait parlé du connectome, c'est le connectome. En classe, dès la maternelle jusqu'à l'université, avec nos propres élèves, on travaille avec beaucoup de niveaux, c'est décliné dans des situations pédagogiques, mais ça je pense que vous le ferez par vous-même dans des exemples tout à l'heure. Je peux vous dire que ça se fait en France, au Canada, une fois de plus de la maternelle à l'université. Je pars dans quelques jours au Canada, à Montréal, où le service de sciences et d'éducation, de didactique des sciences à l'université, il s'agit de la physique, de la biologie, réutilise nos découvertes chez l'enfant, parce que, évidemment, c'est dynamique et non linéaire, et ça vaut autant pour l'adulte dans des domaines nouveaux que ça ne valait pour l'enfant. Là, le modèle est le même, les contenus diffèrent. Et donc, les étudiants ont aussi, évidemment, des biais, des heuristiques sur les circuits électriques, par exemple en physique, où il y a vraiment des biais aussi archaïques, longueur égale non, ou l'appareillement perceptif. Et c'est utile pour lever ce que déjà le philosophe Bachelard appelait les obstacles épistémologiques en science. Et évidemment, ici, les heuristiques sont des obstacles épistémologiques. Et ce que Bachelard appelait la philosophie du non, pour lequel il ne trouvait pas chez Piaget, son contemporain, d'équivalent en psychologie. Ici, il y a l'équivalent en psychologie, c'est l'inhibition. Et l'inhibition qui permet de dire non à une heuristique, à un obstacle épistémologique, et de découvrir la solution par l'application ou la construction d'un algorithme. Donc en classe, nous l'avons fait avec des paradigmes très ciblés. J'ai complètement explosé le temps, donc je vous montre simplement les problèmes en maths, en arithmétique. Vous retrouverez ça dans les livres. Pour des problèmes énoncés verbaux, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes? Réponse systématique, 30. On entend plus, on fait une addition. La réponse correcte est 20. Il faut faire une soustraction, même s'il y a un plus dans la question. Et donc des profs, je connaissais cet exemple, mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que les profs ont dit qu'il faut absolument essayer de décortiquer ce qui se passe là, parce que c'est vraisemblablement le triple système que vous décrivez, on leur a surappris. Et là, on est plus dans le symbolisme des opérations arithmétiques, des problèmes additifs. On leur a surappris, après plus j'additionne, après moins je soustrais. Et souvenez-vous, déjà chez le bébé, ça fonctionnait au niveau visuel, avec les Mickey, les babas. Donc évidemment, il y a là un problème simplement d'inhibition de l'heuristique, l'addition après plus. Alors, ce n'est pas l'addition l'heuristique. Hein. C'est après plus j'additionne. Il faut être fin dans l'analyse des stratégies. Bon, nos étudiants à l'université, souvent, comprennent, ils viennent en cours, et puis on se plante à l'examen, en quelque sorte, parce qu'ils disent l'heuristique, c'est plus. Ou l'heuristique, c'est la longueur pour longueur égale. Non, ça, c'est une dimension de la situation. L'heuristique, vous devez toujours imaginer la stratégie construite sur les régularités qui est derrière. Donc, longueur égale non, ça, c'est une heuristique. Après plus j'additionne, cela c'est une heuristique. Et dans ce cas-là, l'algorithme est très simple, c'est la soustraction. Il faut soustraire dans ce cas-là. Et donc on l'a mesuré, hein, chronométrie mentale, on a vu ces jeux d'inhibition, d'activation. On l'a fait aussi pour la lecture, sachant que Stanislas Dehaene a découvert qu'une région de la voie ventrale est recyclée de la perception des objets dans l'espace visuel à la perception et discrimination des lettres et des mots. Donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a aussi là une heuristique très forte. C'est l'heuristique de généralisation miroir. Et que si je vous vois arriver par là ou par là, je fais aucun doute, c'est vous. J'infère immédiatement, je généralise votre identité, quelle que soit votre orientation dans l'espace. Et nous faisons cela en permanence pour les objets physiques et humains, heureusement. Mais c'est une heuristique, parce que quelquefois, ça ne marche pas. Et pour les lettres en miroir dans notre alphabet, B et D, ça crée les célèbres erreurs, autre exemple d'erreur, de lettres en miroir. Et donc, on a pu découvrir, c'est vraiment un champ de recherche, on a un doctorant qui est parti au Canada pour quelques mois, qui s'appelle Emmanuel Barr, je vais vous mettre sa photo après, un normalien de Lyon qui est venu de la biologie à l'éducation, qui finit sa thèse sur ce sujet, Grégoire Bortz, qui est directeur adjoint de mon laboratoire, et on a pu vraiment montrer chez l'enfant, il y a beaucoup de publications, il y a un communiqué de presse international sur ce sujet, que la correction des lettres en miroir est très liée à l'exercice de la prise de conscience de cette heuristique. On peut très facilement expliquer à l'enfant la généralisation miroir, montrer quand ça marche et quand ça ne marche pas, et l'entraînement et l'inhibition de cette heuristique qu'on est en train de tester chez les dyslexiques et qui fonctionne bien, ce qui fait que si vous représentez par exemple des paires d'animaux dans des orientations différentes après la discrimination d'un B et d'un D, ça va prendre plus de temps que ce qu'on appelle l'amorçage négatif, négative priming, qu'on mesure en millisecondes, parce qu'il y a une levée d'inhibition, parce que juste avant, s'ils ont réussi, ils ont bien inhibé l'heuristique de généralisation miroir pour B et D, du point de vue de l'algorithme. Une question, quel est l'algorithme là? C'est une tâche de discrimination de lettres. Il doit dire si c'est la même lettre à gauche et à droite. Quel est l'algorithme selon vous? Donc, l'heuristique c'est la généralisation miroir, ben, c'est là qu'on se trompe, il faut l'inhiber, puisqu'un B c'est pas un D, et quel est l'algorithme? Que diriez-vous? Que les lettres doivent toujours être dans le même sens. Non. Quelle lettre? Qu'une lettre B, si on la met dans le voilà. Mais si vous lui disiez encore, quand vous le savez, mais quand vous cherchez l'algorithme, vous trouvez toujours trouver la façon la plus simple, élégante, je dirais, de l'exprimer. Oui. Vous verrez également, après plus jeune signe. L'algorithme, c'est l'alphabet. C'est en raison de l'alphabet qu'on apprend, qu'on répète, c'est la règle. Donc l'algorithme, c'est l'alphabet, et dans l'alphabet, en effet, un B et un D ne sont pas pareils. On n'a pas appris nécessairement que, quelle que soit l'orientation, on a appris l'alphabet, on a appris les lettres. Mais on pourrait, avec le même matériel, faire, je n'ai pas le temps de vous le présenter, un apprentissage à l'inhibition de l'heuristique en ayant pris conscience pour activer l'alphabet. Or, on n'active pas l'alphabet nécessairement. Et nous avons démontré, y compris chez l'adulte, quand vous lisez un livre, à tout moment, il y a des B, il y a des D, et bien vous devez, vous le faites inconsciemment et de façon automatique, inhiber l'heuristique de généralisation mémoire. Parce que si en même temps vous regardez dans votre environnement, vous n'allez pas vous dire, parce que votre enfant ou votre mari ou femme est penché, que c'est un objet différent, c'est quelqu'un d'autre. L'objet est inversé, ce n'est pas le même. Et en fait, en permanence, pour le réel ça marche, et pour la lecture ça ne marche pas. Et on a appris à éviter cela. Mais les enfants ont des problèmes justement pour ces lettres-là, et en particulier les dyslexiques. Il y a aussi toute une dynamique sur les écrans, l'exposition aux écrans. Et avec ce que je vous ai montré, ça vous montre que ne faut pas seulement être pour ou contre les écrans, il faut se dire qu'est-ce qu'on apprend à faire au cerveau des élèves avec un écran. Puisque dans le jeu de logique, face au même écran, on voit que le cerveau peut utiliser des régions très différentes et soit exercer des régions plus logiques, un éveil cognitif et de l'intelligence, à la créativité logique, ou être toujours dans un automatisme que l'on répète sans avoir conscience de l'erreur. Donc toute la question des écrans, depuis l'entrée visuelle, ce qu'on voit sur l'écran, jusqu'à la commande motrice, n'est pas une chaîne linéaire. On peut en effet utiliser des chemins, des réseaux cérébraux très différents. Et donc, tout ce que l'on a vu se décline aussi dans la problématique actuelle du numérique et des écrans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entraîne en faisant des jeux, le travail des start-up, des gens de l'industrie du numérique, des jeux qui tiendraient compte de ces lois d'éveil et d'apprentissage du cerveau. C'est un travail collectif. Il y a encore plus de monde, la photo n'est pas actualisée, mais vous voyez un autre groupe, il y a Claire Prévost, qui est la secrétaire du laboratoire et qui nous suit dans toutes les conférences, c'est pas clair, surtout dans les cours de France. Et parmi les livres, donc je vous conseille Le raisonnement, parce que vous trouverez tout un catalogue d'erreurs de raisonnement, mais dont celui que je vous ai présenté, que les formes géométriques n'est qu'un exemple. Donc on a un catalogue de situations où on se trompe et où il faut inhiber. Apprendre à résister, qui est le mieux? Parce qu'il reprend tous les exemples. Objet, nom, catégorisation, raisonnement, il va du bébé à l'âge adulte. Et j'ai reçu pour ce livre, ce qui m'a fait très plaisir, un grand prix de l'Académie française, parce qu'ils ont considéré que c'est un prix pour l'éthique, qui s'appelle pour une nouvelle éthique. Je me suis dit pourquoi. Oui, parce qu'en fait, si on tient compte de tout cela, ça correspond à une éthique de l'éducation. Et l'histoire de la psychologie, vous verrez aussi combien toutes ces questions se sont renouvelées, mais sont maintenant très constantes depuis 2000 ans. Je vous remercie de votre attention. On va prendre un peu de temps. J'ai une question tout de suite qui m'est venue à l'esprit en écoutant l'affaire de l'inhibition. la part du comportement et l'éducation en termes aussi de satisfaction des désirs, etc. Dans les enfants hyperactifs que j'ai pu rencontrer, accompagner, cette question de l'inhibition était très forte, c'est-à-dire très forte en termes déficitaires. Est-ce qu'il y a un lien, effectivement, ou est-ce que c'est un sentiment de ma part, mais entre des comportements d'enfants hyperactifs et cette difficulté à inhiber? Alors, dans toutes les pathologies, il y a... Alors, voyez-vous, oui, la réponse est oui. Pourquoi ai-je pris le temps de faire cette introduction théorique, de voir toutes les étapes, de déconstruire pour reconstruire, pour vous donner des exemples concrets? Parce qu'en faisant cette démarche-là, on touche à des processus centraux. Et évidemment, si on touche à des processus centraux, ils se déclinent sous des formes diverses, dans des exemples différents. Donc une partie du trouble d'attention sélective dans l'hyperactivité relève évidemment de ces jeux d'inhibition et d'activation, souvent très comportementales pour le coup, pas nécessairement au niveau des stratégies cognitives. Mais ce que je voulais montrer de nouveau, c'est qu'on peut être parfaitement, a priori, normaux comme vous et moi, mais très hyperactifs sur le plan de stratégies cognitives, c'est-à-dire se laisser dominer par des stratégies. Récemment, je faisais, enfin, au mois d'octobre, une conférence au CROSIC, le grand colloque de l'ARAPI, donc l'association d'autisme des parents, des familles et tout, francophones. Je n'aurais pas du tout parlé d'autisme, même si je connais la littérature, mais ne travaillant pas sur des autismes, mais beaucoup m'ont posé un peu une question comme la vôtre, me disant « Ah, en effet, dans l'aspect routinier, automatique, où les enfants autistes s'enferment tout en développant des algorithmes extrêmement puissants, on peut redécliner votre système ?» La réponse est oui. Comme on construit un système général, vous pouvez le redécliner selon la... Je ne sais pas que ça explique tout, mais étant dans les processus généraux, ça explique beaucoup de choses. Vous pouvez le décliner dans telle ou telle pathologie. J'ai rapidement montré l'exemple de l'arithmétique à l'école, de la lecture, qui nous a fait aller vers la dyslexie. On ne voulait pas étudier la dyslexie directement avec pour la dyslexie. Mais c'est en ayant découvert comment, là aussi, il y avait une heuristique, généralisation miroir, un algorithme, l'alphabet, et que la difficulté c'était d'inhiber l'un pour activer l'autre, par cette voie-là, on est parvenu à corriger des erreurs chez les dyslexiques. Il faut cet intermédiaire d'analyse fine, je dirais, des stratégies de ce qui se passe dans le cerveau, et puis on peut réexplorer, en effet, avec cet outil, qui est plus complexe que l'outil des stades piagétiens, pour s'adapter au réel des situations ou des populations particulières. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne vaut pas que pour les dysfonctionnements. On attend classiquement de chercheurs comme moi-même et mon équipe, et d'autres le font, de travailler sur les dyscalculies, sur les dyslexies, sur les hyperactifs, sur les autistes, c'est éminemment important, mais aussi tous les autres enfants, qui ne sont pas hyperactifs, qui ne sont pas autistes, qui ne sont pas dyscalculies, qui ont néanmoins des difficultés d'apprentissage, et auxquelles peut-être on n'apprend pas bien. Et c'est pourquoi, politiquement, en recherche, j'ai souhaité monter des programmes d'imagerie cérébrale médicale, y compris pour les enfants qu'on dit tout venant. Voilà. Mais après, ça s'applique bien évidemment, de façon renouvelée aux pathologies. Puisque on sait que les modèles pathologiques se déclinent selon la conception du normal et inversion. Mais le normal est plus complexe que ce qu'on imagine. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une autre question ? De l'heuristique à l'algorithme, et puis ben, comment finalement on arrive à conscientiser ça? Complètement. Donc nous, le but de notre démarche, enfin, je suis instituteur, donc mon souci, c'est que ça soit utilisé en classe par les instituteurs. Donc on travaille déjà avec beaucoup d'écoles expérimentales, soit pour faire l'expérience, soit pour que chaque prof le décline dans sa classe. Ce qu'on a fait des GFA, des groupes de formation action. Où les professeurs sont libérés de leur classe pendant un jour par un mois, par exemple. Ils viennent au laboratoire, on va à l'école, on fait une conférence un peu comme ce matin. Ensuite, ils font des ateliers, ils voient à quelle situation ça pourrait s'appliquer. Donc là, c'est le translationnel, comment on va transférer ça à une échelle réelle de la classe, du groupe, voire plus que le numérique. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. La première question que des profs ont posée, qui est bien normale, c'est de dire, mais ce que vous faites au niveau individuel, donc c'est bien, c'est joli, ça nous apprend des choses, mais il faudrait refaire le préceptorat. c'est-à-dire vraiment une relation à deux, où on apprend cette conscientisation, où il dit à l'enfant, et on sait que ça provoquera cette configuration cérébrale, puisqu'on l'a montré en laboratoire. Mais rapidement, les profs, bien évidemment, ont eu l'idée de se dire, mais si on raisonne bien, en termes, dans chaque situation, et vous verrez combien ça peut être utile, quelle est l'heuristique ? Quand l'enfant se trompe, hein, on parle des situations, on parle de l'erreur aujourd'hui, le statut de l'erreur, mais c'est une erreur, c'est tout. Donc, quand l'enfant se trompe, est-ce qu'il y a une heuristique dominante, laquelle, qu'on n'a pas conscientisée, mais ça vaut pour l'élève et ça vaut pour le professeur, vous le comprenez bien. Donc là, ce qu'on renouvelle, c'est non seulement le cerveau d'élève, mais aussi le méta-cerveau pédagogique du prof qui se dit, mais quelle est l'heuristique qui, dans cette situation, pourrait être provoquée par la question, par moi-même, par le prof, quel est l'algorithme, donc ce que j'attends de l'élève, et qu'est-ce qu'il faut inhiber. Donc on l'a fait à peu près dans tous les domaines que je vous ai présentés, avec ce dispositif très simple. Hein. Après, quand on arrive au niveau pédagogique, il faut une épure, hein, ce qu'on appelle une épure dans le dessin. Il faut une épure, et cette épure, c'est vraiment le filtre inhibiteur que je vous ai montré, qu'une zone inhibitrice est une zone d'activation. Ce filtre est transparent, alors qu'il aurait pu être opaque. Transparent précisément parce qu'on n'exerce pas la mémoire, on exerce ce que vous dites, la conscientisation qui est une réponse que l'on croyait bonne et que l'on voit bloquée. Donc ce n'est pas simplement la mémoire ni la répétition, c'est le fait que parmi les réponses possibles, il y en a une très concrète. Ça peut être des cartons-réponses pour les problèmes de logique, ça peut être n'importe quelle réponse que vous jugez être la réponse dans la situation de catégorisation, de manipulation que vous jugez. Hein, chez l'enfant, la erreur nommée, c'était une manipulation. Il y a aussi des réponses motrices ou des pointages qui correspondent à des erreurs plus grandes. Particulièrement aujourd'hui sur les écrans, on cesse de pointer, de déplacer, de sélectionner, de cliquer. Et on se trompe. Et même, je dis souvent, il faut tourner 7 fois son doigt dans son pouce avant de pointer. L'inhibition est au cœur de cela. Il y a eu, comme vous le savez, des exemples politiques célèbres. L'inhibition est tout le temps présente. Donc vous, dans chaque tâche, d'abord, le prof doit conscientiser, comme vous dites, faire cette triple analyse. Il ne faut pas aller plus loin. Hein. En général, ces trois éléments suffisent, mais on n'analyse jamais parce qu'on n'avait pas ce modèle-là. On raisonnait plutôt par stade, par présence ou absence de la compétence. Et à ce moment-là, le faire conscientiser par des exercices à l'élève. Et en lui faisant ça, vous allez entraîner son contrôle inhibiteur. Et votre but n'est pas d'entraîner la notion ni le concept, ni de renforcer l'heuristique, c'est au contraire entraîner le contrôle inhibiteur. Et ce qu'on est en train d'étudier, c'est les transferts, proches et lointains. Évidemment, l'enfant va finir, comme on l'a vu, l'élève, par apprendre à inhiber, il y a une reconfiguration cérébrale qui est associée. Alors que si on répète la logique, rien ne change. Il réussit la tâche de logique, mais il ne transfère pas dans une situation nouvelle. Et donc on étudie les transferts, qui sont essentiels pour vous, pour l'éducation, et aussi, comme on touche à des processus centraux, les transferts dans des domaines qui, a priori, n'ont rien à voir. Et on entraîne le contrôle exécutif et l'inhibition sur la technique. Et on voit si ça transfère dans la lecture. Quelquefois, non, parce que justement, il faut une conscience de l'heuristique suffisamment forte. D'autres fois, chez d'autres élèves, le fait de s'être mis sur un mode inhibiteur les fait réussir juste après dans des tâches très différentes dont personne ne voit lien, sauf si on fait l'analyse en triple processus, comme on l'a fait. Donc oui, c'est à vous de le décliner. Là, vous voyez, c'était dans une classe de grande section maternelle. Un prof qui avait quand même un petit filtre inhibiteur pour chaque enfant déposé sur la table et en même temps de façon synchrone parce que ce groupe-là faisait la même erreur. Donc une façon de constituer des groupes en classe peut être de se dire qu'est-ce que ces enfants-là doivent apprendre à inhiber grâce à leur cortex préfrontal et quel jeu de cartons, de réponses je crée en termes d'heuristiques et d'algorithmes. Et là c'était une tâche d'association phonologique. On attendait des enfants une association phonologique et le prof constatait que les enfants faisaient des associations sémantiques. Chapeau, il disait tête, alors que le prof attendait chapeau, bateau, exercice de conscience phonologique comme prérequis de l'apprentissage à la lecture. Et le prof était très étonné, il lui disait, mais c'est pourtant beaucoup plus simple, château et bateau. Mais pas du tout, le prof était dans son idée d'algorithme de correspondance phonologique, mais l'enfant, c'est le moment où il apprend la sémantique. Et c'est beaucoup plus pertinent en termes de continuité spatio-temporelle, le schéma de mettre un chapeau sur une tête. Et donc, dans cet exemple, parce que là, c'est ce qu'apprenaient ces enfants, à inhiber une association sémantique pour activer une association chronologique. Et vous voyez avec ça que vous pouvez retourner dans les classes, dans le concret, essayer de l'appliquer à des situations très différentes. Quand la pédagogie marche, quand les enfants ne font pas d'erreur, il n'y a pas besoin de tout ce que je vous ai raconté. Mais c'est pour les cas de figure qui sont nombreux d'erreurs, de difficultés, voire de pathologies, de cela. Donc voilà, c'est comme ça, les profs l'appliquent, puis les profs soit se débrouillent par eux-mêmes, soit reviennent chez nous, on fait des tests, des bilans, Beaucoup de publications ont été co-signées des professeurs, des inspecteurs, y compris dans des revues internationales anglophones. Et après, ça se décline vraiment dans le monde. Papier crayon sur écran. Vous pouvez avoir un écran tactile avec une zone inhibitrice, une zone activatrice. Dès l'instant où vous avez mis la réponse sous la zone inhibitrice, elle est inutilisable. Vous êtes obligé de faire autrement. Donc on oblige la bicarience dans la réponse. Une dernière question. Ça me conforte un petit peu dans l'idée que du danger de suivre un manuel scolaire à l'année, où certains manuels, je trouve, enferment certains élèves. Enfin, je travaille dans la remédiation et systématiquement, quand on sort de l'outil utilisé à l'année, par exemple en lecture ou en mathématiques, ou selon la déclinaison des thématiques, le manuel utilise la même démarche d'apprentissage. Et mais un professeur, par exemple, qui démarre l'apprentissage de la lecture va utiliser un album à l'année et on se retrouve avec des élèves qui sont empêchés justement de passer à cette inhibition. On ne va pas nécessairement supprimer les manuels et les programmes scolaires, mais vous, en complément de cela, vous pouvez avoir à l'esprit cette analyse psychologique et neuroscientifique, puisqu'il y a des bases neurales à cela, de vous dire à chaque fois comment vous pouvez essayer de prendre en compte. Il n'y a pas que le manuel, hein, vous avez dans l'exemple du nombre, il y a aussi des affichages didactiques sur la classe. Les écrans, aujourd'hui, une fois de plus, toute la thématique des écrans, on voit plein d'images sur les écrans, il y a plein de stimulations, plein de régularités. Donc les heuristiques sont hyper activées par les écrans. Et de surcroît, on doit en général répondre vite, cliquer vite. Vous savez que les écrans fonctionnent sur j'aime ou j'aime pas, hein, les réseaux sociaux. J'aime pas, c'est de l'heuristique, c'est pas de l'algorithmique, c'est pas vérifier la validité de l'information, c'est pas raisonner logiquement. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux peuvent donner le meilleur et le pire. Vous avez des stéréotypes, des rumeurs, des manipulations du raisonnement, c'est là où on retrouve les sophismes d'Aristote. Et donc, il faut par rapport à tout ça, en effet, quitter soit le manuel, soit ce qui est vraiment sur l'écran, pour faire, c'est votre métier. C'est pourquoi on enseigne ceci. Maintenant, j'essaie de transférer toutes ces connaissances pour les professeurs des écoles, en ESPE, on le fait de façon pilote à l'ESPE de Paris, et dans la formation continue, parce que, comme on attend d'un médecin, chacun attend de son médecin, qu'il actualise ses connaissances scientifiques sur les organes qu'il explore, pour lesquels il prescrit, qui sont les vôtres, qui sont les miens. Aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, donc on n'est pas du tout en retard, et l'organisation de la réunion de ce matin le prouve, mais aujourd'hui, les professeurs des écoles doivent aussi s'intéresser au cerveau, comprendre comment il apprend, les découvertes que font les laboratoires, parce que c'est pour vous et pour la science, en sciences cognitives, comme je vous ai montré aujourd'hui, parce qu'il y a une grande responsabilité des professeurs des écoles à cet égard. Ce sont des millions de cerveaux que l'on ne voit pas et qui vont à l'école tous les jours. Il n'y a pas que les cartables, il n'y a pas que les tablettes, il y a des cerveaux. Et ces cerveaux commencent à les visualiser et à comprendre, vous voyez, leur grande fragilité en même temps et leur grande réceptivité à l'éducation. Merci, Monsieur Oudet. Merci, un grand merci, Monsieur Oudet. Vous avez un petit peu anticipé ma conclusion, hein, donc merci pour cet éclairage. Cela renforce ce que vous dites régulièrement, la pédagogie est un art qui devrait s'appuyer sur des connaissances scientifiques actualisées. Je retiens que l'éducation aujourd'hui ne peut se contenter d'intuition pédagogique et didactique, mais doit s'appuyer sur les savoirs qui découlent de la recherche, et sur les données probantes. La réflexion croisée et la coopération entre les chercheurs et les praticiens ouvrent des perspectives pédagogiques innovantes pour les élèves. Petit rappel aussi par rapport au texte prescrit, le référentiel de compétences du professorat nous indique qu'il faut connaître les élèves et les processus d'apprentissage en prenant en compte les apports de la recherche, c'est clairement dit dans ce référentiel. Compétence 4, prendre en compte la diversité des élèves en adaptant son enseignement à la diversité des élèves. Compétence P5, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves en analysant les réussites et les erreurs des élèves. Il y a aussi le socle commun qui va donc être mis en application dès septembre 2016, qui nous invite aussi à développer la pratique enseignante « apprendre à apprendre », dans laquelle méthode et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite. Le voilà aussi, c'est l'apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et les espaces de la vie scolaire. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des conférences de consensus, une en maths en novembre et une autre en lecture en mars, les 16 et 17 mars, où là aussi, les préconisations nous demandent, enfin les chercheurs et toutes les personnes qui ont réfléchi au cours de ces deux conférences de consensus nous demandent effectivement de rendre explicites les apprentissages, et tout ceci nous guide en ce sens. Merci encore une fois, Monsieur Audet. Bon voyage à Montréal. Vous y serez dans une dizaine de jours aux côtés de Steve Masson, Elena Paschellini, Pierre-Paul Gagné, que les enseignants spécialisés connaissent bien. Donc, vous serez au 5e congrès de l'ARN, hein, donc l'Association pour la Recherche en Éducation. Bon voyage et bon congrès. Et encore merci.